c'est parti, attention, c'est le grand moment. Les Daft Punk sur Fun Radio en direct, ils sont à la cafette, ils arrivent dans une seconde. Thomas, lumière. Ça va, ça va. C'est fait mal, Manu. Ça va, Manu? Non. 6. L'ennui régnait sur la bande FM. Et une seule chose pouvait l'endiguer. Le monde des ondes a en sa possession la seule arme qui puisse vaincre l'ennui. 4 éléments. L'humour. Le second degré. Le charisme. La fougue. 4 éléments réunis autour d'un cinquième. Je suis là. L'être suprême. Doté d'une intelligence extrême et d'un débit verbal inégalé. À l'aube de chaque nouveau millénaire, le cinquième élément réapparaît sur la bande FM. Il est tous les soirs, dès 21h, sur Fun Radio. Unbelievable! Le cinquième élément. C'est Max, Max, le Star System. Fin de la retransmission. Sur Fun Radio. Ah, quel plaisir d'être avec vous ce soir. On est vendredi, bien entendu, 9 mars 2001, marqué d'une pierre blanche, hein, cet événement. On en a parlé. Les gens de la radio m'ont dit aujourd'hui, mais c'est incroyable, la promo qu'il y a pu avoir autour de cette émission de ce soir. Jamais on a entendu autant de promos pour l'arrivée de ces artistes. Ben oui, mais c'est un événement quand même. Pourquoi? Premièrement, avant tout, parce qu'ils ont vendu des disques, mais c'est surtout parce qu'ils sont français. C'est ça qui est important. Parce que j'ai reçu Moby, j'ai reçu William Orbit, on a reçu plein d'artistes sur la musique électronique, mais quand c'est un artiste français, il faut le dire, un artiste français qui se vend dans le monde entier, c'est pas que la France et la Belgique et la Suisse et le Luxembourg, c'est l'Allemagne, c'est l'Angleterre, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est le Japon, c'est l'Indonésie, c'est le Kenya, c'est le Cambodge, c'est Bali, c'est... Je veux pas entendre parler de Jolo, attention, dites pas de bêtises. Hein. Non, l'Australie, dans le monde entier, le Japon, bien sûr, la Chine, tu te rends compte s'ils arrivaient à vendre des disques en Chine, vous rendez compte que si on vendait ne serait-ce que 10% en Chine, ça fait plus d'un milliard, hein, ça fait beaucoup, hein. Ah, ça fait du monde, hein, ça fait du beau monde. Les Daft Punk vont être avec nous ce soir, c'est l'événement, l'album sera dans les bacs lundi, hein, c'est bien ça, c'est pas mardi, début de la sortie de disque, c'est un mardi, ils font ça le lundi, c'est bien, ils ont bien fait, quoi. Alors je vous dis tout de suite, hein, je vous fais pas patienter, genre il est là, les Daft Punk sont arrivés il y a quoi, une demi-heure, et puis comme ils avaient un petit peu faim, on leur a préparé une petite corbeille de fruits, mais on n'allait pas leur imposer de manger que des fruits. Donc on les a invités, tout ça sur les frais de Fun Radio, à la cafétéria de Fun. Ça le fait. Donc ils ont bouffé des œufs et des crudités, et je peux vous dire qu'ils se régalent. Mais comme j'ai dit à Guiman et à Thomas, j'ai dit c'est normal, hein, parce que ce sont leurs prénoms, maintenant on peut dire que ce sont des copains, parce qu'on les a déjà vus il y a 4 ans. Eux ils se régalent, mais c'est normal qu'ils se régalent, parce qu'ils sont venus qu'une fois. J'ai dit maintenant si vous voulez faire un bon régime, les gars, vous venez tous les soirs, et puis vous allez voir, vous allez vite perdre du poids. Regardez dans quel état on est tous, bon à part Manu, mais... Manu, c'est normal, il prend pas de petit déjeuner, il mange pas le midi, donc il se rattrape le soir avec la cafette. Et tu leur dis pas de se pointer à 9h30 les Daft, hein. Je leur dis rien, moi. Il y a un million de... Pour une fois que j'ai un million d'auditeurs qui sont là et qui attendent, parce que je vais pas combler toute ma soirée avec les Daft Punk, avec, en attendant les Daft Punk avec Anka. Anka. Ouais, c'est vrai que... Comment va? Bah ça va bien, je regarde le petit Manu s'agiter un peu partout, tranquille. Va me les chercher. Moi je suis assis sur ma chaise, allez, vas-y. Tout tranquille. Si tu vois, tu fais un peu l'handicapé. S'il vous plaît. Non, ce que je peux vous dire, c'est que bon, l'album des Daft, je l'ai bien sûr depuis quelques temps, mais là j'ai carrément la pochette définitive. Wow. Hein, ils me l'ont donné en main propre avec la fameuse petite Daft Club. C'est cette petite carte qui permettra à mon avis d'accéder à des informations ultra secrètes que les Daft Punk vont nous dévoiler lors de cette soirée. L'album s'appelle Discovery, il sera dans les bacs lundi. On a les deux sous les yeux, je peux vous le dire, c'est que la pochette est la même que la première. Bon, différente, hein, c'est que la première des Daft, où il y a marqué Daft Punk en gros, était en... C'est une sorte de... C'est un patch, ça, hein. Un petit patch qu'on mettait comme AC/DC, sauf que c'était rose et rouge, alors que là, c'est plutôt blanc, doré, il y a du progrès. Non, ça reste dans la même lignée, c'est sympa. Ah bah c'est la même pochette, hein, c'est ça qui est bien, c'est que c'est reconnaissable, c'est un concept en même temps. Non, c'est bien. Hein, quelque part. Alors ils vont nous faire écouter des extraits de l'album, bien qu'on en ait déjà écouté quelques-uns pendant la semaine. Ils sont pas venus, comme on dit les doigts dans le derrière, puisqu'ils sont venus avec des tonnes de vinyles. Donc je sais pas jusqu'à quelle heure il va falloir qu'ils restent, parce que vu le nombre de disques qu'ils ont ramenés, Là, on est parti jusqu'à 3h du matin pour faire une radio libre avec les Daft Punk. Oui, ils m'avaient dit qu'ils enchaînaient demain matin à 6h. En plus, alors, voyez-vous, donc ça va être chaud. Ils vont peut-être mixer, on verra, comme ils me l'ont dit, on va faire ça au feeling, si tout se passe bien, et je pense que ça devrait bien se passer. Alors, on sait jamais, hein. Il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent leur poser des questions, on en a sélectionné un bon paquet, je vais beaucoup parler avec eux, je vais parler en votre nom, vous qui êtes de l'autre côté de la radio, ne soyez pas mis de côté, il va falloir enregistrer et essayer de soutirer le maximum d'informations. Vous pouvez quand nous appelons, on sait jamais, au 0803 08 5000, on aura peut-être la possibilité de vous faire passer en direct et de discuter un petit peu avec eux. On leur a préparé quelques petites surprises, oh pas bien méchantes, vous savez, ce sont des petites surprises, mais ça devrait le faire, quoi. Je peux pas dire parce que là ils sont dans les couloirs et s'ils commencent à entendre tout ce que je vais dire, après il n'y a plus aucune surprise. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'ils viennent d'arriver, ils passent devant le couloir mais ils ne s'arrêtent pas. Non, c'est ça qui est bien, c'est un concept, c'est un concept. Donc ce qu'il va falloir, c'est que ils vont passer dans les couloirs. On va peut-être les faire rentrer dans le studio. Alors, en fin de compte, ils sont partis, pour vous dire la vérité, ils sont partis chercher leurs affaires, leurs disques, dans le bureau de Pierre, notre programmateur préféré, et des blousons parce qu'il fait froid, il y a la clim. Non, le concept, ça va être que les Daft, donc Guyman et Thomas, vont passer dans les couloirs, on va leur poser une question, et on entendra la réponse dans le couloir. Voilà, c'est pour ça. C'est bien ? Non, mais je sais pas, c'est un nouveau concept. Ça n'a jamais été fait ? Je suis content de les recevoir ce soir. Manu, toi, ça te fait chaud au cœur. Putain, c'est toi qui es dans le hip-hop, là, ce soir. Je voulais remercier Il y a un morceau électro, papa, un peu, maman, qui fait penser un petit peu. Oui, déjà, tu veux déjà remercier les gens. Je voulais remercier toute ma famille, oui, mes amis, Stéphane, Zitoun, Jérôme, tous ceux que j'oublie, le magasin Justco à Neuilly, boutique de skate génial, ouais. Rue de Sablonville. Il est où mon dossier d'ailleurs, le magazine 2D Skateboard fait par les deux David qui déchirent un petit fanzine. Ça va, non, c'est bon, la pub, c'est terminé. Je sais pas, bon. Moi, tu me dis, moi, Oh, j'ai eu peur. J'enchaîne, moi. Oui, je me suis dit, il est où mon dossier jaune? Bah attends, t'inquiète. Il est vert. C'est pour ça qu'il y a un petit dossier vert avec. J'ai tout préparé, mes antichaises Daft Punk. Hey, avec toutes les. J'ai les questions, il y a 15 pages là. Non, mais c'est une bonne file là. Ouais. C'est du 6h du mat. Là, il y a du boulot là. Hein. Je vais dire, il va falloir être très attentif parce qu'il y en a des questions. Hein. Alors, il y a aussi quelques petites questions stupides hein, que vous avez été nombreux quand même. Parlons peu, mais parlons bien. Parlons réellement. Vous avez été quand même quelques-uns sur Internet. À poser des questions aux Daft qui me semblaient un petit peu stupides. J'en lirai une ou deux, mais bien sûr, je demanderai aux Daft Punk de surtout ne pas y répondre. Hein, parce qu'à mon avis, il n'y a pas possibilité de réponse. Alors, on va faire ça vraiment au deuxième degré, sinon on ne s'en sortira pas. Hein. Donc il va falloir qu'ils aillent maintenant. Parce que moi, comme un con, je leur ai dit prenez votre temps. Mais moi, j'ai pas calculé qu'en 9h, bon, on va pas commencer à faire de la libre antenne en attendant qu'ils arrivent. Donc je veux bien combler comme ça pendant des heures et des heures, mais parler, ça va devenir difficile. Et en plus, Anka, c'est à elle que j'aurais voulu lui demander ce qu'elle pensait réellement des Daft Punk pour qu'elle puisse nous raconter. Et malheureusement, elle s'absente pour aller les chercher. Ouais, mais bon, si tu veux. Anka, si tu nous écoutes, va chercher la corbeille de fruits. Ce qui est bien quand on reçoit des artistes quand même, c'est que grâce à eux, ça nous permet d'avoir un petit budget. Oh, pas bien énorme, hein, 300-400 francs. Et on gratte en fait. Alors, on gratte un petit peu et là on se fait plaisir. On est allé au paradis du fruit, hein, c'est une filiale qui existe depuis longtemps et une magnifique c'est corbeille de fruits extraordinaire. Très très lourd. Bah je sais, 25 kilos. Un minimum. Un bout de bras. Ceci dit, c'est vrai que c'est très lourd. Hein. Ah, c'est très lourd. C'est très très lourd. Alors les gens s'en branlent parce qu'ils attendent les DAF. Moi, hey. Je ne peux rien, hein, je ne vais pas parler leur nom. Hein. J'arrive. Sinon, moi je commence à poser la première question et je réponds à leur place. Hein. C'est bah ça va mal se passer. Ah hein. Oui. Bon, Anka, dis-moi un peu ce que tu penses des Daft Punk. Qu'est-ce que tu connais des Daft Punk? Attends, je vais me poser là. Voilà, ouais, ça te permet de réfléchir un petit peu. Un petit peu, voilà, exactement. Alors. Bon, bah, j'en profite pour faire. Il faut mettre la DAT aussi, vous serez gentil, tiens, par la même occasion. Ça y est, elle est dedans, qu'ils arrivent, moi. Ah, voilà, ils arrivent. Ah, ça fait 8 minutes que je comble. 8 minutes que je parle dans le vide. Ah, Thomas arrive quand même, et Guyman va s'installer également. Ah, ils sont venus, mais. Vous êtes venus avec vos affaires de voyage? Là, avec les disques, je vous le disais, avec le nombre de disques auxquels ils sont venus, on mixe jusqu'à 8h du matin. Là, c'est parti pour. Hein. Donc, ils vont s'installer, ça va être bien. On a la corbeille à fruits. Hein. Bonjour. Ça, voilà, ça va? Ça va bien. Thomas est là. Oui. Voilà. Alors, en plus, ils vont changer de voix. Alors, déjà qu'on ne connaît pas leur visage, si en plus, maintenant, ils traficotent leur voix, ça va être compliqué. Alors, voilà. C'est pour vous, ça. Prenez le cadeau. Merci beaucoup. De rien. Alors, tiens, ça fait 25 kilos, Anka. Tiens, donne-leur. Ouais. Vous allez voir comment elle a de la force. En plus j'ai ouvert, donc j'ai eu l'intelligence de l'ouvrir, donc ça se casse déjà la gueule. Ah bah bravo. Voilà. Ah tu te démerdes. Ah bah bravo, bon travail le chien. Tu mets ça devant, allez dépêche-toi. Faut quand même, elle a fait près de 700 mètres, parce qu'elle était allée chercher ça au paradis du fruit, pour ceux qui connaissent ce côté du Barfly, c'est quand même relativement loin, jusqu'ici. Oui. Toute seule pour vous. Hein. Merci, voilà. Merci beaucoup. Oh, c'est très gentil, ça nous fait très plaisir. Et je me demande si je suis pas avec des imitateurs ce soir. Tu peux nous faire tatailler, Thomas ? Non, je n'arrive pas. Tu n'arrives pas à faire tatailler ? Non, c'est dommage. Si à un moment donné ça se passe bien, peut-être qu'on appellera un de nos amis à nous qui s'appelle Michael, qui est un parfait imitateur. Il te fait Patrick Bruel. Il te fait tatailler comme jamais tu l'as entendu. J'aimerais bien entendre Michael. Mais tu vas pas passer la soirée à parler comme ça, là. Si on va tous y mettre la passe framboise, moi je te fais carotte la grenouille et puis là on s'en sort plus, là. Non, mais on essaye d'avoir une voix de robot. On essaye d'avoir une voix de robot de temps en temps. Et y a pas de problème, ça me fait bien plaisir. Guimal, tu sais faire aussi des petites imitations. Bonjour. D'accord. Alors, c'est dommage, j'ai débranché parce que j'aurais pu te faire, bien sûr, Yves Mourouzi, bravo. Bon, ils sont là ce soir. On disait, je me suis permis de combler en disant que vous étiez cassé la nénette sur la pochette. C'est la même, d'une couleur différente. Ouais. C'est un concept. Ouais. Non, c'est bien. Mais non, mais en fait, quand tu te rapproches, tu vois toutes les couleurs derrière. Où ça ? Derrière. Non, derrière, devant, derrière. Devant, derrière, attends, là, il faut que tu m'expliques. Là, c'est blanc, c'est métallisé. Oui. Et quand tu te rapproches du métal. Ah, quand je me rapproche du métal. Il faut peut-être que je mette plus de lumière, c'est pour ça, alors. Voilà. Alors, il faut mettre un petit peu plus de lumière, tu peux. C'est le truc, tu tournes là. Voilà. Alors là, donc je me mets comme ça, c'est un concept. Là. Là, c'est blanc, c'est métallisé, c'est argenté. Et quand tu te rapproches. J'ai capté. Là, tu vois le. J'ai compris le concept, tu vas me dire si c'est ça. Donc là, il est dans le bac. J'arrive dans un magasin de disques. J'arrive. Oh, l'album des Daft. Et là, je m'approche, je dis, mais ouais, c'est bien le nouveau. Et c'est multicolore. Et là, du coup, tu l'achètes. Non, tu l'achètes pas. Non, voilà, on va le donner ce soir. Bon, en tout cas, il est là, il est sorti, ils vont venir avec vous êtes venus avec beaucoup de vinyles, c'est ce que je leur disais, c'est que si vous vous sentez bien que vous vous mettez à mixer... Non, vous êtes obligé de prendre l'antenne jusqu'à 2h du matin, vous avez bien mangé ? Très bien, la cantine était très bonne. Ils se sont régalés. C'est bien, ils sont sympas quand même. C'est qu'ils sont polis. Ils disent qu'ils veulent bien manger. Non, merci beaucoup. Hein. Mais je leur ai dit, vous venez une fois. Venez tous les jours. Merci. Vous allez voir, c'est pas pareil. Qu'est-ce que vous avez mangé de bon là ? La brandade. En plus, Guimard a eu quand même presque le cul de dire. Je lui dis, c'est bon. Il me dit, ouais, c'est bon. Non, c'était bon. Hein. Moi, j'ai mangé. C'était froid. Une salade aux chèvres. Je suis poli. Ouais, c'était bien. En fin de compte, tu te sens pas très très bien là. Si, ça va. Chercher un seau. Ça va aller. Un seau, ça va aller. Et toi, t'as mangé quoi, Thomas ? Moi, j'ai mangé une salade de fromage de chèvre, ça j'ai mangé. T'as pas pris de risque ? Et après, j'ai voulu prendre des œufs pochés. Ouais, t'aurais pas dû. Et en fait, c'était des œufs durs. Ah, et tu voulais pas des œufs durs ? Bah, je voulais des œufs pochés. Mais en fait, je m'étais dit, ouais, est-ce que le jaune il va rester bien mou ou est-ce qu'il va durcir ? Et je me suis rendu compte qu'il était devenu tout dur à la limite du vert. Oui, bah alors ça, c'est ce qu'on rencontre tous les jours. Ça nous fait plaisir encore. Au moins, tu l'as observé et tu l'as vu. Bon, que ce soir, ils sont là. Je ne sais pas combien de temps ils vont rester. Ils partiront quand ils auront envie de partir. On a sélectionné des questions, bien sûr, sur Internet. Donc, petite question stupide. Hein. Je les ai prévenus. Hein. Je leur ai dit qu'il y en avait quand même deux, trois qui, grâce à vous, de l'autre côté de la radio, donc des questions où je vous demanderai surtout de ne pas répondre. Hein. La première qui me brûle les lèvres, et malheureusement, bon, je leur ai entendu un petit peu la mèche, que je leur ai dit, il faut être très honnête. Et la même question leur a été posée dans l'après-midi, donc la réponse va être simple. J'espère qu'il n'y aura aucune réponse. Pour quand le troisième album ? On rappelle que le deuxième album sort lundi. Le deuxième album n'est pas sorti encore. Alors, comme je t'ai répondu hors antenne, on a la date exacte du quatrième album. Ça, c'est en 2005. Ouais. C'est le 14 mars 2005, et deux jours après. Fais gaffe, parce qu'il y a quelques Pink Floyd de l'autre côté qui vont être en train de noter. Ouais. Et le troisième, donc, par contre... Le troisième, on sait pas, vous êtes dans le flou total. On hésite. 2006, 2007. Non, le troisième, il va être avant 2005. Pourquoi vous sortiriez pas après ? On pourrait sortir le troisième après. Après le quatrième ? C'est un concept. Réfléchir. Non, c'est vrai. Ouais, réfléchir, là, c'est l'embrouille totale. Donc, je la range. Attends, deux secondes, attends. 1, 2, 3, 4, 9... Donc c'est bon, la question. 1, 2, 3, 4, d'accord. Elle est bonne, je la range. Hein. Je l'ai mise dans le tiroir. Je vous ai préparé quelques petites conneries aussi, hein. J'espère que vous allez pouvoir y arriver. Un petit jeu stupido qui est super drôle. Et puis un petit blind test. Je sais que vous êtes amateur quand même des années 80. C'est votre truc, c'est votre cam. Pas seulement. Non mais enfin les années 80. Comme tout le monde. Hein, 26, 27 ans, donc un peu quand même. Toi aussi. Oui, moi un peu plus, j'ai 31. Je parais jeune, c'est vrai, je suis jeune, j'ai des chemises de jeune, mais je suis un peu plus vieux que vous. Quoi ? Non, chemise de jeune, les gens ne voient pas, mais c'est limite quand même. Attends, c'est une pauvre chemise, ça. Attends, c'est une pauvre chemise, elle est bien, vous trouvez pas qu'elle est bien, cette chemise ? Elle est très belle. Moi, je m'attendais à vous voir avec plein de trucs dorés, que ça brille. Des fois, ça brille pas. Bon, là, ça brille pas, là. Donc, allez, maintenant, on va être sérieux. L'album sort lundi, c'est un événement. faut pas. Est-ce que vous en avez pas... C'est un événement, faut pas pousser non plus, quoi. C'est un disque, c'est tout, hein. Oh, comme il est modeste. Qu'est-ce que vous voulez que je dise après ça? Non, mais soyons sérieux. Vous êtes français. Ça a mis un petit peu de temps avant que, véritablement, la musique électronique faite par des artistes français se mette à bien fonctionner. Ça fait quand même quelques années qu'il y en a deux, trois comme ça qui arrivent à sortir la tête de l'eau. Là, depuis quelques 6 mois, 1 an, on en entend beaucoup plus sur les FM. Beaucoup plus. Mmh. Mais vous, vous avez été véritablement les premiers. Non, on n'a pas été les premiers. Il y avait déjà des gens comme Laurent Garnier. Oui, mais qui sont diffusés sur les radios. On avait un truc sur Maximum. Maximum. Oui, Maximum. Mais c'était une radio qui était un peu parisienne. Mais je parle sur les réseaux où ça puisse être diffusé quand même partout, où les gens, aussi bien, peut-on dire, un peu spé ou grand public, se disent oui, ça y est, là, je m'y retrouve là-dedans, je m'y reconnais. Bah, vous êtes les premiers. Je sais pas. Vous n'avez pas cette sensation-là du tout. On n'a pas la sensation d'être les vétérans ou les. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Que vous êtes vraiment les premiers à faire, avoir fait peut-être exploser ou ouvrir une brèche aux autres, quoi. Ou faire avancer un peu le public. C'est vrai que nous, la musique, on l'a fait à la maison, dans un home studio. Dans le salon, dans la cuisine. Ça dépend. Ça va. Mais c'est vrai que dans la scène de techno indépendante, tout le monde fait ça. Et c'est vrai aussi que quand Homework, le premier album, est sorti, c'était assez rare de voir un disque sortir sur une maison de disques, une major, qui soit entièrement enregistré à la maison, avec une absence de standard professionnel, où tu fais n'importe quoi, genre tu prends un câble, si ça va dans le rouge, tu t'en fous, et puis y a pas vraiment... Tu lis vraiment pas les modes d'emploi des machines pour essayer de, tu vois, là, tu peux parler dans le rouge comme ça et faire n'importe quoi. Là, c'est compressé. Donc, ah, tu peux y aller, vas-y. Donc, t'as moins, là. Là, ça. C'est là, même ça, pas ouais. à zéro. Ouais, bah là, c'est. Et Guimane, alors là, il est à moins 60 000. On l'entend pas. Pas. Ah si, là, t'es à moins 20. C'est Mais par contre, ce qui est marrant, c'est qu'ils prenaient un risque aussi, quelque part, la maison de disques. En question, c'est que vous preniez un risque peut-être dangereux d'aller sur une major parce qu'il y avait plein de choses, vous avez réussi à garder votre indépendance, mais aussi, ils prenaient un risque de vous laisser la liberté de faire ce que vous avez envie de faire. Ça aurait pu ne pas fonctionner, ils prenaient un risque aussi, donc ça a été un commun accord. Ouais, je pense que c'est... Ça a été long, les discussions, les tractations, avant de décider à signer Non. Au-dehors du fait de réfléchir, j'imagine que ça a dû prendre un petit peu de temps, mais après pour... Non, mais c'est sûr, au début, maintenant, je pense que les mentalités... Finalement, c'est l'idée qu'on a des maisons de disques. Ça, on l'avait dans les années 80, c'est la maison de disques, c'est horrible. C'est la force du mal. Et c'est vrai que tu t'aperçois quand tu commences à avoir des gens qui travaillent dans les maisons de disques, surtout maintenant, que c'est des gens jeunes, des fois il y a des gens plus jeunes que toi, c'est des mecs de 25 ans ou des filles de 25-30 ans qui ont envie de changer les choses. Et je te fais rire. Attends, je dis des filles de 25-30 ans, tu commences à Non, les sourcils. Parce que je sais où tu vas, je connais la maison de disques, je les vois pas, les belles filles là-bas. Il y en a? Il y en a. Toi, t'as des portes qui s'ouvrent plus facilement que moi, alors. Mais, tu parles. Mais en fait, c'est. Les gens sont prêts à changer le système, et le système c'est pas on peut le changer, et il y a des mentalités neuves, et finalement il y a des gens dans les maisons de disques qui sont super cool aussi. Évidemment. Maintenant ils nous ont, il y a 4-5 ans, c'est vrai, on est arrivé, on a dit ok, on va pas apparaître en photo, on va faire des trucs, on va faire ça. Comment ils l'ont pris, ça? C'était pour eux, c'était l'aventure, c'était pour eux un peu. Ils ont pris ça vraiment au sérieux, ils ont pris ça comme un, soyons très honnêtes, comme un peu, on pourrait dire au départ, une sorte de produit gadget. On dit tiens, ça va être marrant, c'est original, ça va sortir de l'ordinaire, on mise sur la musique électronique avec des artistes qui veulent pas se montrer, qui veulent avoir total pouvoir. Ou ils ont pris ça vraiment au sérieux en se disant ouais, il y a un avenir dans cette musique, et vous en particulier? Bah, je pense qu'ils l'ont pris au sérieux, mais je pense aussi que on savait pas ce qui allait se passer non plus. Oui, ça, c'est normal. Nous, on était contents de garder cette intégrité, et puis à la fois d'avoir la possibilité de que notre disque soit bien distribué. Ce qui a été le cas, donc vous avez été plutôt satisfait. On était tous contents, et on a tous gardé, je pense, notre intégrité. Et justement, pour une fois où on a eu la possibilité, nous, de faire vraiment les choses avec un maximum de liberté, on recommence maintenant avec ce disque. Voilà, et là, pareil, j'imagine, totale liberté. Ça a mis un petit peu de temps entre... Parce que ça a pris quoi, 3-4 ans? 4 ans, exactement. Vous avez eu un... À faire l'album. Bonjour Guimane. Ça va? Ça va bien, et toi? Ah, Guimane, ça va, t'es là? Même Thomas, t'avais pas vu. Ça a mis 2 ans et demi à faire l'album. Ouais. Et les 4 ans, en fait, on a fait une tournée juste après le premier album. Ouais. On s'est ensuite occupé de faire un DVD, qui était quelque chose d'assez nouveau à l'époque. Ouais. Enfin, un DVD musical. On touchera un petit mot d'ailleurs. Et voilà, ensuite on a pris deux ans et demi à faire Discovery qui est deux ans et demi ferme. C'est après avoir eu regroupé les idées, commencé à descendre en studio. Et puis, on a dormi la nuit aussi, donc étant donné qu'on dort à peu près 8 heures par nuit, c'est à peu près un tiers, donc t'enlèves un tiers de deux ans et demi, ça fait à peu près, et qu'on fait peut-être la 8 heures par nuit, toi Non, donc voilà, on a dû travailler 6 heures par jour. 6 heures, c'est 6 fois 4, 24. Même pas les 35 heures. Non, 6 heures pour faire la musique dans le studio. Après, nous, on a des sociétés de production et tout ça. Oui, c'est vrai. Mais ça a dû mettre en fait 9 mois. 9 mois, bébé. Voilà. Oh, c'est mignon. Il va vous faire pleurer, hein. C'est le but du truc, ce soir. Il va vous faire pleurer. Bon, on va faire une première petite pause et puis juste après, on arrive. Petite question sur l'album. On parlera bien entendu de tout ce qui peut toucher l'album et les clips. Albator. Albator. Ouais, sympa. Capitaine au cœur d'or. Encore. Nanana. Je sais plus après. Vous connaissez pas les paroles? Bah non. Ah, ça m'emmerde là parce que j'avais préparé un blind test ou un karaoké. Ah bah non, mais si, donne. Par contre, on va faire une petite pause et ce que je veux vous proposer, c'est où on passe un extrait de l'album, ou alors vous choisissez un morceau de votre discothèque que vous avez ramené ce soir et puis on le diffuse juste après la sortie pause. Comme Dieu. Ah, c'est toi qui décide. Tu es mon ami. Bon, on va essayer de sélectionner un morceau. Ouais, mais t'es pas 10 ans, il n'y a pas 60 minutes de pub. Il y en a combien? Oh, il y en a, je sais pas, qu'est-ce que vous arrangerez, 3-4 minutes, c'est bon? Parfait, ouais, c'est bon. Bon, tu me balances 3-4 minutes de pub, hein, puis on se retrouve juste après. Les Daft, on est en direct, bien entendu. On aura des questions qu'on a sélectionnées, qui sont déjà prêtes, elles sont là, on va les mettre en action d'ici quelques instants, et puis un petit peu de musique, alors ne bougez pas, on revient juste après ça. Première sélection de cette soirée par les Daft Punk, c'est Guiman qui l'a choisi. Il m'a dit, il faut que tu mettes ça, Max. Si tu le mets pas, je me barre. Oh, j'ai dit, ouais, bah, évidemment, on n'a pas le choix, quoi. Imaginez-vous, vous êtes devant votre poste de télé, c'est dimanche soir, vous êtes sur TF1, et voilà, vous tapez ça, c'est bien ça. C'est pour vous annoncer les deux films du dimanche soir, Earth, Wind & Fire et In The Stone sur Fun Radio. qui est bien. Ah ouais, puis ça mixe juste derrière. C'est vrai qu'il y avait la fin du morceau. C'est vrai que ça s'arrête et ça reprend après, ça. C'est Fun Radio, vous êtes en direct, bien sûr, c'est vendredi soir. Et Guiman et Thomas sont là avec nous ce soir. Les deux membres des Daft Punk, les Daft. Le mot Daft Punk, ça vient, c'est ça, d'une presse anglaise qui... ouais, avec un petit micro. Ouais, non, c'est normal, ouais. C'est normal, c'est un métier. C'est ça. Si tu veux devenir animateur radio, il faut que tu aies ton micro. Alors oui, c'était à l'époque où vous vous appeliez Darling, c'est ça, un autre groupe. Hein, on faisait quand on avait 17-18 ans, on avait monté un petit groupe avec Laurent, qui fait partie des Phoenix maintenant. Ouais, qu'on va peut-être recevoir prochainement ici. Thomas m'a obligé. Ils sont super. Ouais, ils écoutent peut-être ce soir d'ailleurs. Donc je vais vous inviter. Je vais vous faire venir. D'accord. Et donc bon, enfin bref, un des membres donc de Phoenix. On faisait ça et puis on a sorti deux morceaux assez courts sur une compilation en 45 tours, donc un petit truc limité à 2000 exemplaires à l'époque, avec l'aide de Stereolab qui est un groupe anglais. Il y avait plusieurs groupes, deux groupes français, il y avait Colm, il y avait nous, il y avait... Et la critique vous a traité de punk stupide. De punk stupide, oui, c'est la traduction de Daft Punk et vous avez trouvé ça plutôt amusant. Et légitime, on a trouvé ça légitime, plutôt que de se casser la tête à trouver un truc, c'est... Non, entre-temps, il s'est passé une autre aventure. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour ce mot est revenu dans la mémoire? C'est un truc qui vous a... Ah non, mais c'était quelques mois plus tard, en fait. C'est vrai que... Comment s'est passée d'ailleurs la transition entre on laisse tomber ce groupe, s'appelait Darling, et puis on s'appelle les Daft Punk et on va vers de la musique électronique d'ailleurs. C'est vrai cette transition-là, ça s'est passé comment? On allait dans les concerts de rock un peu et les gens ils s'endormaient en fait pendant les concerts. Vos concerts? Pas nos concerts, mais les concerts de rock en général, enfin nos concerts, on en a pas fait beaucoup, on en a fait deux. Ouais, mais c'est bien, bravo. Ouais, merci. Mais en fait, tout le monde était de plus en plus triste. Et dans vos concerts ou... Non, dans les concerts en général. Oh. Et c'est vrai nous, on avait envie de s'amuser, en fait. Mm. Et on pensait que la musique, c'était fait pour s'amuser. Et puis, on était petits avant. On avait 15 ans, 16 ans, un truc comme ça. Oh, et vous deviez tout mignon. Et vers 17 ans, on a vu un truc, rave et tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais. Une soirée, donc. Et on est allé dans une rave en fait. Tu te souviens c'était quoi? C'était 17 ans, tous les deux. C'était ouais, tous les deux hein. Ouais. Vous vous en souvenez? Ouais. Vous vous en souvenez? C'était ouais, c'était le 10 novembre 1980. Non mais je veux dire l'endroit. C'était sur le toit de Beaubourg en fait. Et on a pris une queue là énorme. Ouais. Et en voyant tous ces gens, ces gens qui se marraient avec plein d'énergie et une musique super. Dynamique et qu'on connaissait un peu nous. Vous connaissiez un petit peu la musique électronique déjà, vous aviez des... Mais bon, par qui? Par la radio, Jar, tout ça, vous écoutiez aussi? Non, genre S-Express. Ah oui, d'accord, fin 88-89, d'accord, ok. 49ers, etc. Mars et tout, Pop-up de Value. Voilà. Ah oui, et puis Lil Louis incontournable, ah oui, d'accord, donc toute cette époque-là, ouais. Mini Vanilli. Ouais, mais on avait eu accès à ça plus que par la radio. Disons, on était trop petits pour aller dans le Boy ou je sais pas où. Quoi. Ouais. Donc en fait, putain, et moi à cette époque-là, j'étais déjà à Fun. Ça se trouve, c'est grâce à moi. Ouais. Je diffusais déjà la musique. Il y avait une émission à Fun qui s'appelait Electrofun et Super Electrofun. Il y avait des mecs qui passaient de la New Beat. Il y avait Confettis, il y avait tout ça. Ouais, non, tout ça quoi. Maria, tout ça. Ouais, tous ces vieux trucs là. C'était marrant, oui. Et puis après Mars, Pop-up de Valium, S-Express. Ouais. Technotronic. Ouais. Et puis après, et là, vous avez eu le coup de foudre, et puis vous avez commencé à vous orienter. On a eu le coup de foudre pour cette énergie, et surtout quand on a qu'on retrouve d'ailleurs dans le premier album. Ouais, exactement. Quand on a vu aussi que on pouvait faire de cette musique, on pouvait la faire chez soi avec une boîte à rythme et un synthé, et qu'on n'avait pas besoin. Non seulement on n'avait pas besoin d'aller dans un studio professionnel, mais en plus. Cette musique, elle se faisait pas dans des studios professionnels, donc ça devenait normal et possible de faire la musique chez soi, comme aujourd'hui, on peut faire des films avec des caméras. Avec donc on s'est dit, putain, c'est génial. Vous avez sorti le premier maxi, c'était si mes souvenirs sont bons, c'est Live, c'est ça? Voilà, Live. Avec en face B New Wave. Et vous avez sorti ça sur le label Soma, label écossais de référence, qui d'ailleurs marche toujours aussi bien. Et c'est vrai que dans l'album, dans le premier Homework, on retrouve beaucoup, enfin, il n'y a pas que ça, mais il y a une fusion très rock, techno, sur certains morceaux, comme l'incontournable hymne Rolling and Scratching, ou les trucs comme ça, où là, franchement, on sent le côté agressif. On était énervé, quoi. Ouais, énervé, côté agressif. On avait la rage. Et puis donc maintenant pour revenir au nouvel album, toute autre orientation. Alors j'ai vu dans les critiques, c'est d'ailleurs moi la première chose que j'ai pensé quand j'ai écouté l'album, quand j'ai eu la chance de l'écouter bien avant, dans ce superbe studio, dans ce super appartement d'ailleurs. Mais alors, petit détail, parce que j'ai expliqué aux auditeurs, je leur ai dit, tiens, demain j'ai écouté l'album des Daves dans un loft et tout. J'ai lu dans la presse, si je peux me permettre, il faisait 200 mètres carrés. Il fait 200 mètres carrés cet appart. Bah, je sais pas, on n'est pas allé. Vous avez même pas vu ? Non, on n'a pas vu. Non. C'est pareil que c'est la porte d'un de vos potes. C'est des conneries. Non, Non. Oui. Ah oui ? Oui, c'était l'appartement d'un de nos amis. Ah, c'est un de vos meilleurs amis. Mais vous n'y êtes jamais allé ? Ah non, l'appartement, on y est allé, bien sûr. D'accord. Parce que je me posais des questions, je sais pas où le journaliste en question avait vu 200 mètres carrés. Donc j'ai écouté l'album, j'ai tenu au courant. Il y avait une cuisine très grande, il paraît. Ouais. Américaine. Américaine. Bah, 200 mètres carrés, on ira tous les deux, tu verras, c'est fait 200 mètres carrés. Bref, j'arrive, j'écoute l'album, je ressors, et premier, je me dis, ouais, effectivement, ça a des sonorités un peu pop. Un peu hard, mais un peu pop, le côté ouais, un peu pop. Je sais pas. Tu sais pas. Bah, je te le dis. Ah, merci. Moi, ça a été la première pensée, quoi, mais y a pas que ça, mais senti un peu plus posé, plus... Est-ce que vous sentez déjà que dans le nouvel album, il y a pour vous plus de maturité ? Est-ce que c'est la suite on logique la 4 pochette, ans hein. On connaît la pochette. Oui, parce que c'est vrai que je leur montre que je suis con. C'est vrai que j'ai oublié que c'était vous les Daft Punk. Non, est-ce que c'est la suite logique ? Je sais pas. Tu vois, il y a 4 ans, les rêves, la musique électronique, c'était pas vraiment... Accepté, c'était pas vraiment compris quand même, pas ouais, mal c'est vrai, du ouais, tout ouais, ouais. Et il y avait dans ce premier album la volonté justement de se concentrer à faire exclusivement cette musique alors qu'on a, on a des goûts et des influences plus larges que la house. On l'a bien entendu, la Orsulian Fire, on s'attend pas à ça. Voilà, et c'est vrai qu'on n'avait pas envie de faire la même chose que Mwark une deuxième fois. Principalement parce que cette musique aujourd'hui, elle est acceptée, elle est comprise, et c'est aussi pour ça qu'on s'est battu. Mais on a envie de continuer à briser des règles et à faire des choses inattendues et qui nous surprennent nous-mêmes. Quoi. C'est vrai. On s'est amusé à faire ça. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu des chansons. Il y a à la fois des trucs avec des vocaux, avec des voix et tout ça. Ouais. Mais c'est pas vraiment traditionnel quand même. Non, ça c'est clair. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, étant donné que la norme, c'est un peu la musique électronique, le grand long format, 10 minutes, une idée, un truc. C'est bien, mais... Vous avez voulu faire vraiment des versions d'albums radio, ouais, quoi. Mais... C'est vrai que on dit souvent le premier album, on s'imaginait vraiment sur une piste de danse, en train de danser, de faire cette musique-là qu'on voulait écouter pour danser. Ouais. Et cet album, on s'imagine un peu en train de conduire une caisse avec la radio à fond, mais l'esthétique, elle est ouais, on scooter. Mais plutôt non, mais plus c'est un fantasme un peu. Donc t'as le droit. Non, mais je ne sais plus où il est. Mais plutôt l'histoire de la radio dans la caisse, quand même, décapotable de préférence, ce serait mieux. Ouais. Et c'est l'idée de l'esthétique de la radio, parce que c'est un truc marrant, le son des radios américaines, comme ça, bonjour, hello, tu vois. Il est vrai que tous les morceaux du premier, on pouvait quasiment, ou ils ont quasiment tous été joués dans des soirées. C'est-à-dire que le mec, il prend l'album, il jouait pas forcément que les 3-4 morceaux les plus connus, tout pouvait être joué. Alors que là, c'est vrai que ça devient un concept qu'on peut dire plus album, on peut écouter ça à la maison. Pour ces versions-là, quoi. Mais dans la musique électronique, d'habitude, quand même, t'as quand même deux catégories. Oui. Une musique de club vachement, péchu. Il y a un ou deux morceaux comme ça. Voilà. Et à la fois, de l'autre côté, c'est souvent une musique down tempo, un peu genre de relaxation. Et c'est vrai que ça appartient ni à une catégorie vraiment, ni à l'autre. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir un morceau de sortie, il va y avoir des remixes pour les clubs. On va faire des remixes pour les clubs aussi. Pour le Daft Club. Et pour le Daft Club. Et justement, aussi. On va y venir. Je voulais juste te dire, parce que c'était intéressant, tu avais ouvert une brèche concernant effectivement vos influences en disant que vous aviez envie de vous amuser, que vous aviez, pour le nouvel album, par rapport au goût que vous aviez, qui n'était pas forcément que centré sur la musique électronique. C'est vrai que dans cet album aussi, on en parle beaucoup dans la presse, et vous d'ailleurs vous le dites et vous le revendiquez, les années 80 et un peu 70, il y a, on ressent un peu du Supertramp, du Van Halen. Enfin, c'est plus des petits signaux comme ça, comme AC/DC ou. Ouais, c'est des références. Pour vous tout ça aussi, ouais, c'est pas que ça, mais c'est vrai qu'on voulait vraiment s'amuser et faire quelque chose. C'est volontaire, bien quoi. Qu'est-ce que volontaire? D'avoir mis par moment, par exemple, un petit clavier où on se dit tiens, ça fait penser à Supertramp, ou une cloche, ça fait penser à AC/DC, ou un solo qui fait penser à Van Halen, ou c'est plus ou moins conscient. Il y en a qui sont peut-être plus conscients, il y a des choses qui sont plus conscientes que d'autres, mais ouais. Vous n'êtes pas rendu compte peut-être sur le moment pour certains trucs, quoi. Non, vous l'avez fait comme tout. Ça. Maintenant, le son de Supertramp, c'est vrai, nous à la base, c'est un son qu'on adore. Pourquoi il n'y a que Supertramp qui peut l'utiliser? Ah ben, je suis entièrement d'accord avec toi. Surtout vous l'utilisez pas longtemps. Hein. On est en train de créer une association. D'ailleurs, c'est bien. Je suis content de passer à la radio pour le dire. Bah, dis-le. Qui est ADCS. C'est l'association de défense du clavier de Supertramp, en fait. Ouais. Et où on va essayer, par l'intermédiaire d'assos, de mouvements et tout ça, de promouvoir un peu ce synthé, enfin ce clavier, c'est un Wurlitzer, et d'essayer que ce clavier qui est un peu laissé de côté se retrouve dans la musique, ouais, vraiment. Donc on essaye de commencer à le faire un peu, mais voilà. Ouais. T'es aussi en train de créer un petit peu la TPPUC. Tu me prends pas pour un con. Bon, on écoutera des extraits de l'album tout à l'heure. Une petite question qui a été retenue par un auditeur qui nous a envoyé un petit email. On l'a appelé. Voilà la question qu'il vous pose. Salut Max, salut l'équipe, salut les Daft Punk. C'est François de Rennes. J'ai 23 ans et je suis un gros fan de ce que vous faites. Et d'ailleurs, je vais me jeter sur mon Discord dès lundi parce que j'ai économisé pendant un mois pour avoir le nouvel album. Et j'ai entendu parler que justement, avec ce nouvel album, on va avoir une petite carte qui va nous permettre de s'inscrire à un Daft Punk Club, où je n'ai pas trop compris, donc si vous pouvez m'expliquer, j'attends votre réponse. Merci les gars, ciao. Alors, ouais, j'ai l'album, ouais. Il y a effectivement, je m'attendais à un deuxième CD, mais non, parce que c'est comme un double CD, parce qu'il y a la carte donc, qui est collée, donc d'abord, est-ce qu'il faut décoller la carte ou faut... Ou... Non, tu peux la décoller. Je la décolle, d'accord, ok. Donc là, il y a un numéro, c'est comme une carte de crédit, c'est une carte de crédit. Bah, c'est oui, le même principe, en tout cas, c'est le même format. Ça ressemble. C'est le même format. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? Ça, c'est le truc qui a été, dont on a... C'est la première chose sur laquelle, en fin de compte, vous avez communiqué. On a commencé à parler de l'album, on a plus parlé de ce concept-là, de la carte, du Daft Club, hein, je crois. C'est passé au Soleil, dans le Sud, à Cannes, non? Voilà. Vous avez commencé à communiquer sur le retour des Daft avec ça, avant de parler de musique. Oui. Alors pourquoi c'était, bien sûr, volontaire, mais ça a une importance pour vous, c'est quoi cette carte? Il y a plusieurs. On peut expliquer déjà comment ça marche, et après on peut un peu en parler. Non, on n'explique pas. On n'explique pas, ok, donc t'as la carte. Voilà, tu te démerdes. Tu peux retirer de l'argent avec ça. Alors ça se passe comment? Alors t'as donc la carte dans le disque. Tu vas dès lundi sur le site Daft Club, D-A-F-T-C-L-U-B, en un seul mot.com, et tu rentres ton numéro de carte sur le site. Ah, d'accord. Et à ce moment-là, tu peux télécharger un lecteur, un truc qui s'appelle le Daft Player, et ensuite des morceaux inédits, des remixes, tout ça. Ça veut dire que demain, moi, j'ai la carte et après, je donne mon numéro à 50 personnes. 50 personnes vont utiliser mon numéro. Non, il marche qu'une fois, le numéro. Ah, il marche qu'une fois? Non, il marche par ordinateur, disons. Il marche, il va, ton numéro, il va te servir pour télécharger. Alors, on va aller, parce qu'on a un site internet, là, donc on va aller dessus. Bah, tu vas aller dessus, mais là, pour l'instant. Bien sûr, c'est lundi. Encore. C'est pas encore. Donc, dès lundi, je fais ce que t'as dit, daftclub.com. Tu rentres ton numéro de carte. C'est celui-ci, c'est le long, c'est là. Celui-là, le dis pas, parce que sinon, il y a quelqu'un d'autre qui va le rentrer. D'accord, ok. Et donc, là, tu vas pouvoir télécharger. Oh, c'est pas gagné. Tu choisis ton type d'ordinateur, ta langue et tout ça, et tu vas pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a? On va te le faire parce, ouais, parce que c'est pas gagné. J'ai pas allumé un Minitel. Tu sais, t'as même un mode d'emploi dans l'album. C'est quand même assez rare d'avoir un album avec un mode d'emploi. Ouais, mais tu sais, moi, tu m'as pas vu. J'ai deux mains gauches. Même pour y allumer un Minitel et pour choisir des horaires de train, je mets une heure. Alors tu penses bien une carte. Tu sais, c'est vrai parce que quand on déplie, bon, on vous voit masqué. Non, c'est nous. C'est vous, là, d'accord. Et l'explication, elle est à l'intérieur, effectivement, quoi. Donc, ouais. Il y a un mode d'emploi. Voilà, t'as un mode d'emploi. Mais bon, l'idée. Qui a eu cette idée? C'est nous qui avons eu cette idée. Vous dites toujours tout à deux, réellement, vous êtes toujours à deux. Super. C'est parce que souvent on entend dire on était même plus nombreux à l'avoir, cette idée. On était dans un de nos bureaux, comme ça on était cinq, et puis la révélation. Mais quel est le principe? C'est, ça va donner envie forcément aux gens d'avoir envie d'acheter l'album pour se dire comme ça j'aurai un truc de plus que les autres. Non, mais c'est pas les gens sont pas obligés d'acheter l'album s'ils veulent aller le pécho sur Napster. Pendant qu'il y a encore temps. Oui, d'ailleurs, il y aura une question là-dessus. Ouais. Ils peuvent y aller. Hein. Ouais. Mais nous, justement, on voulait plutôt se dire, ok, aujourd'hui, un album, ça coûte cher. Qu'est-ce qu'on peut mettre de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit un truc bien, quoi. Et de se dire, ok, on peut mettre de la musique, mais on a peut-être la possibilité de créer des choses avec Internet. Et surtout de se dire, ok, sur le disque, il y a 14 morceaux, mais on 13 et demi. Il y en a un qui n'est pas très long. Bah, attends. Une trente. Bon, allez, 14. Ok, il y a 13 morceaux et demi. Mais il y a peut-être plus, il y a un accès vers de la musique supplémentaire. Une partie de cette musique, elle a déjà été faite et on va la mettre en ligne au fur et à mesure. C'est quoi, quand tu dis on aura non, c'est une surprise. Attends, ah, d'accord, tu veux pas dire, mais c'est pas des chutes d'albums, des trucs que vous avez pas pu mettre, des trucs dedans. Il va avoir des remixes. Des remixes, plein de choses comme ça. Il va avoir des trucs au fur et à mesure, mais surtout, ce qui est amusant, c'est qu'on va pouvoir avoir la possibilité aussi de faire des nouveaux morceaux et de les mettre en ligne quelques heures plus tard. Quoi. D'accord. Et ça, c'est intéressant parce que on casse un peu les limites du format physique qu'est le CD. Et ça vous permet aussi quelque part un petit peu de contrôler tout ça, ce qui est quand même mieux. Au moins, vous faites votre propre propos. Non, mais de contrôler dans le sens où on peut entendre. Non, mais je dis pas de contrôler quoi que ce soit. Non, mais c'est quoi. Non, mais quand je dis contrôler dans le principe, ou plutôt que d'entendre comme on parlait tout à l'heure de Napster, où des fois il y a des trucs qu'on n'a pas envie de mettre, qu'on se retrouve sur Internet, là au moins avec ce site, vous allez pouvoir gérer vous-même et pouvoir donner à profusion des choses sans que ce soit d'autres qui le fassent à votre place. Au moins, vous allez pouvoir. Je pense que il y a toujours des d'autres qui pourront le faire plus ou moins à notre place. Déjà, t'as les morceaux de l'album qui sont sur Napster, on va rien faire contre ça et ça va très bien. Nous, on utilise Napster aussi. C'est pas une volonté de contrôler, c'est une volonté de distribuer des trucs. Et ce qui est génial, c'est qu'on puisse le faire comme ça et que tous les partenaires technologiques qui sont avec nous, on a Dolby avec nous quand même, ouais. et une société comme Intertrust aussi, qui est une société de la Silicon Valley qui s'occupe de tout ça, de ses droits. Mmh. Gestion de droits numériques comme ça, et d'arriver à faire quelque chose qui soit une expérience un peu, ouais. Ça a quand même un caractère expérimental, ouais, c'est vrai, de ouais. Faire à grande échelle et à la fois de façon gratuite, c'est-à-dire que tout sera gratuit, quoi. Il y a pas des trucs, on n'a pas besoin d'entrer son email, c'est pas du marketing, quoi, tu vois. D'accord. On est pas en train de faire ça. Nous, ça nous intéresse parce qu'on va pouvoir continuer à créer et vraiment utiliser Internet pour sa flexibilité et son caractère instantané comme ça et s'amuser comme ça. Ah, Guyman, t'as un temps de parole comme... il te manque 10 minutes hein, par rapport à Thomas. Ouais. Il va falloir les récupérer. Dans un instant, on se retrouve avec Thomas et Guyman. On parlera donc des clips également, de tout l'univers des clips. Il y a encore plein de questions, bien sûr, les concernant. Et puis un petit blind test sur les années 80. Je suis sûr qu'ils sont incollables. C'est facile, hein. Ça va être facile pour vous. À mon avis, ça va être easy. Allez, 0800 308 5000. Vous bougez pas, peut-être que vous serez là en direct. Et puis probablement que un des deux passera derrière les platines pour vous passer un petit son d'ici quelques minutes. Vous bougez pas. Avec nous, c'est la Radio Libre, c'est vendredi, bien entendu. Et nous sommes en direct avec les Daft Punk, toujours Guyman, qui est là, qui se prépare. Il est en train d'écrire un texte. Je sais pas, il a envie de parler. Il trouve qu'il a beaucoup moins parlé que Thomas, et du coup, il est en train d'écrire avec ses potes. Il se concentre. Et Thomas est passé derrière les platines, et comme on leur a demandé de parler, mais aussi de mettre de la musique, parce que la musique, ça fait partie de leur quotidien. Tu vas jouer 2-3 morceaux. Ouais, je vais surtout commencer avec Phoenix, justement, ouais. Le remix de Todd Edwards. Bien sûr. Qui chante et qui a fait le morceau Face to Face avec nous sur l'album. Ouais, et après tu vas enchaîner avec du son. Puis avec d'autres trucs. Avec du vinyle. Ok. Tant qu'à faire, on y va, c'est parti. Les Daft Punk en direct, le mix sur Fun Radio. fire. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming your way. Now I know there's much more dignity in defeat than a predator to me. I'm losing my balance on the tightrope. Never peace, never peace. If I ever feel better, remind me to spend some good time with you. You can give me your number. Hang on to the good days. I can lean on my friends. They help me going through hard times. But I'm feeling enemy. I'm in league with a foe. Blame me for what's happening. I can try, can try, can try, can try. Knowing those items I went through. If I'm escaped my mystical stormy phase and over. Dread out that thing that I paid a cost. I watched all my castles fall. They were made of dust. After all, some girl this mess would make my love. I can wait, I can wait, I can wait, I can wait. If I ever feel better, remind me to spend some good time with you. You can give me your number. When it's all over, I'll let you know. Somebody took my place. I ain't even playing my own game. The rules have changed, well I didn't know. There are things in my life I can't control. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny. I better learn to accept that. There's a part of my life that would go away. Dark is the night, cold is the ground. And the sickle is outlet in my heart. There's one that strives for hell to come. I am sure I come through, I don't know how. They say a man can be a star. Feels like a bubble, you're still out. I'm losing my battles on the side road. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. If I ever feel better, remind me to spend some good time with you. You can give me your number. When it's all over, I'll let you know. If I ever feel better, remind me to spend some good time with you. You can give me your number. When it's all over, I'll let you know. Can you feel it? Can you feel it? We'll be right back. on mettra pas en entier, hein, sinon on va mettre de la musique pendant des heures et des heures. C'est Thomas qui était derrière les platines comme ça pour le plaisir. Attention, hein, on fait ça avec les conditions. On lui a mis ça, deux pauvres platines. Vous savez comment sont les moyens de Fun Radio. Sur un très tôt, il a failli se gamer avec les câbles. Il a fallu que je tienne et tous les masses. Guiman, il était derrière, il tenait la planche, elle a failli tomber à un moment donné. On le dit pas, ça c'est pas entendu, mais c'est pour ça. Hein, mais voilà. Donc là, c'est un extrait de l'album. Oui. C'est avec Romain Anthony. Avec Romain Anthony. Et ben justement, voilà, c'est bon. Donc c'est un extrait de l'album. Et juste avant, il y a eu Phoenix. Enfin, on t'a ouvert avec Phoenix. Phoenix, okay. C'est le morceau d'avant. Avant, il y a eu Phoenix, le remix de Tad Edwards. Ensuite, il y a eu un disque hollandais qui s'appelle Quakerman. Ouais. Un disque hollandais d'il y a 3-4 ans. Je te donne les références tout à l'heure. Ouais, je veux bien, ouais. Et ensuite, j'ai repassé le Phoenix, mais la version originale cette fois-ci. Et ensuite, la fin de Toulon, il dure 10 minutes. Là, on a passé que la deuxième partie. C'est un peu un morceau épique. Qui fait 9-10 minutes, qui est très long. Voilà. Toulon, voilà. Il est trop long d'ailleurs. Trop long, Toulon, ça veut dire trop long en anglais pour les gens qui ne parlent pas. On l'a bien fait. On va l'arrêter parce qu'on l'entend encore là. C'est bien, on peut le laisser en fond derrière. Nan, nan, nan. Oh, Guiman le fait, c'est gentil. Guiman, t'as préparé le texte? Ouais, non, pas encore. Oh, il m'a dit, Mac, je veux bien, mais j'ai pas de stylo. Donc du coup il a pas bossé dessus. Elle est où la petite question là sur les trois concernant justement Romain Anthony, c'est celle-là, non? Non, il me semble. Une petite question d'auditeur là encore. Salut les Daft, salut l'équipe, c'est Christophe, 23 ans de Lyon. Je vous appelle parce que vous avez collaboré avec Romain Anthony sur One More Time. Je voulais savoir comment s'était passée cette rencontre. Et puis deuxième petite question, j'imagine que vous adorez votre dernier album, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un titre qui ressort du lot pour vous? Alors d'abord, première question concernant Romain Anthony. On n'adore pas, hein. faut pas pousser. Hein. On est content, mais bon, on n'adore pas Daft Punk. On va voir après. Non, enfin, ce qu'il voulait, je pense que la question est un peu plus. Non, mais je rigolais. Ah, fallait le dire. J'ai l'impression qu'on l'avait, tu l'avais déjà fait la blague là. Non, c'est bien. Alors concernant Romain Anthony, bon, il y a eu One More Time, il y a le deuxième morceau, donc il y a eu deux morceaux en collaboration avec Romain Anthony. Voilà. Vous aviez envie de le rencontrer, c'est quelqu'un que vous estimez beaucoup, j'imagine. Disons quand on a commencé vraiment à rentrer dans la musique électronique, à écouter vraiment et à découvrir la house, Romain Anthony, ça a été le choc un peu au début. Ouais. Et vraiment tout le côté émotionnel et soul qu'il a dans sa musique, et le côté de la compression, enfin c'est un peu technique, mais le côté où le pied vraiment est ouais, voilà, et un peu écrasé, mais en même temps qui est très soutenu, qu'on entend élastique, bien, élastique, fait pas mal aux oreilles. Ça nous a vraiment plu, quoi. Et donc on s'en est vachement inspiré au début, et le rencontrer, c'était quelque chose d'important. C'était important. Il a sorti un album d'ailleurs, peut-être que je sais que vous êtes venu, ou je sais pas, quelqu'un de votre entourage est venu également avec des extraits de l'album. C'est vrai qu'il y a eu l'album est sorti il y a quelques temps. Ouais, il y a eu deux albums. Il a sorti deux albums en fait. Il y a le dernier là qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Le dernier qui est sorti cette année, et un album avant qui s'appelait Roman World aussi, qui est une pure merveille. Et lui, quand vous l'avez contacté, il a dit oui tout de suite, quoi. Vous avez Il a dit oui tout de suite. Non, mais oui, enfin, c'est pas, si on l'a pas contacté. Tu me baratines pas, hein. Je suis en train de t'emmener dans un bateau, un méga plan énorme. En fait, on l'a rencontré à Miami il y a 3-4 ans. Et, My. C'est dans le, avec Don Johnson, enfin, bon, son histoire. Ouais, d'accord, c'est bon, Bruce Willis fait une histoire à la con. En fait, j'étais avec Don Johnson, et il y a le mec, comment il s'appelle le black dans Miami? Le nom de l'acteur, Patrick Thomas Michael. Ouais. Et j'étais avec Patrick Thomas Michael et John, on parlait d'un truc. Ouais, les conneries. Voilà. Et il y a Romain Anthony qui se pointe, ouais, salut, ça va. Ouais, t'as déjà dit que tu veux, toi. Voilà, et non, mais on est devenus vraiment amis, en fait, avant de faire ces morceaux. Tu connaissais bien sûr l'album d'avant, il avait beaucoup aimé. Ouais, il avait aimé, ouais. Ça nous a un peu surpris parce que lui, c'est plus soul et tout ça, nous, c'est un peu violent, mais en fait. Il a apprécié ce qu'il a fait. Il a peut-être aimé le son, justement, il s'est peut-être retrouvé là-dedans, parce que tu disais justement. Ouais, il a tout de suite parlé, c'est vrai, de compression, de son un peu. En fait, ce qu'on aime dans la compression, c'est les disques en vinyle ou même les CD où tu les écoutes chez toi, ça sonne comme à la radio. Ouais. Parce qu'il y a quand même un truc, moi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en antenne. Ouais. C'est que souvent, tu vois, t'écoutes la radio, c'est génial le son, et puis après, t'achètes le CD et tu dis, oh merde, pourquoi ça sonne pas pareil? C'est tout petit, ouais. C'est tout petit. Et en fait, bon, c'est un peu technique, mais c'est vrai que vous avez des. des compresseurs de folie, quoi. Et fais notre boulot, Thomas, c'est donc, tout. Moi, la dernière fois que je suis venu à Fun Radio, en fait, moi j'avais un stylo, j'ai noté tout. C'est vrai, il est resté 3 heures avec le directeur technique. Et on a repris les mêmes machines pour que nos disques, ça sonne bien. Non, mais c'est marrant parce que c'est vrai que du coup, vous avez, sans peut-être le vouloir au départ, bien que tout le monde cherchait, vous avez quand même votre son, votre identité, ce qui est hyper important dans la musique, qui vous permet quand même quelque part de se démarquer un petit peu. On sent le son Daft Punk, quoi. D'ailleurs, que vous revendiquez un petit peu aussi dans le deuxième album, c'est comment vous, même si c'est un autre style par rapport au premier, c'est le son Daft. C'est-à-dire qu'on met le truc, on le met une fois à la radio, peu importe que ce soit avec des guitares, des machins, du truc, c'est vous, quoi. On sent que c'est vous. Il y a quelques artistes, c'est comme ça. Pour d'autres, pour les artistes rock, c'est des fois juste la voix. Ça a été le cas de Kurt Cobain ou des artistes comme Pearl Jam ou tout ça, où on sent la voix, on se dit, oh là là, ou Radiohead, par exemple, que vous avez l'air d'apprécier. Enfin, toi, Thomas, on ressent tout de suite. Vous, ça a été important. Et grâce à ça, donc, vous avez fait ces morceaux-là. Lui, il a écouté, il a aimé, et puis, Il a écouté l'album. Ensuite, on s'est dit, tiens, pourquoi on ferait pas de la musique ensemble? En fait, pourquoi on ferait pas la musique ensemble? Il était très très très très enjoué, il a kiffé l'idée et puis voilà, il a kiffé l'idée, on l'a invité à Paris et on a commencé à travailler, quoi. Ouais. Et en dehors du son et de son talent de producteur, il a une voix qui nous plaît vachement. Et donc c'est ça qu'on voulait utiliser vraiment. Ouais, parce qu'elle est quand même bien dans le One More Time, peut-être moins dans ce morceau-là où on le retrouve plus lui, mais dans le One More Time, elle est quand même très travaillée, sa voix, dans les machines. Ouais, on a fait ce morceau tout le long, on l'a fait en premier en fait, et on était tous les trois très contents en fait, et c'est vrai qu'on voulait faire un deuxième morceau de façon très différente, et justement peut-être travailler sa voix, faire un truc qu'il avait jamais fait. Il a dit oui. Il a dit oui. Ça a amusé, quoi. Et ouais, on s'est amusé, et après, il s'est avéré que le thème du morceau... c'était One More Time, on a trouvé ça marrant de sortir en premier, comme si gueule un morceau qui s'appelait Daft Punk One More Time après 3 ans d'absence, quoi. C'est simple, un peu premier degré, mais c'était honnête et quelque chose qu'on voulait comme ça. T'étais bien entendu, t'arrêtais. Je plaisante, vas-y, fini. Ah, il fait exprès, il est fort, c'est là la radio, une demi-seconde de blanc à la radio, ça paye, hein. La télé on peut se permettre. Dans la deuxième question, il demande, bon, l'album, forcément, n'importe quel artiste sur un album, on peut toujours ne pas être satisfait à 100% d'un titre ou deux, parce qu'on leur écoute, oh, on aurait dû faire ceci, cela, mais ce que... Bah là, avec le Daft Club, on en parlait tout à l'heure, il y a des morceaux, déjà on se dit, merde, on aurait pu faire comme ça, là on va pouvoir. Ouais, vous allez pouvoir. Et les gens vont pouvoir avoir la version, on dira, rectificatif. Il n'y aura pas de frustration. De titre de famille, pas de place, etc. Voilà, de titre de famille, ou de se dire, voilà, ce morceau-là, finalement, c'était pas comme ça qu'on voulait le faire vraiment, mais c'est plutôt comme ça. Le Daft Club va permettre ça. Ça, c'est une bonne idée. Mais alors, dans la deuxième question, je pense qu'il voulait poser, c'est, il y a 14 titres. J'ai dit 13 et demi, mais il y en a 14 en réalité, parce qu'en plus, le petit d'une trente, il est super joli. Est-ce qu'il y a quand même parmi tout cela un titre pour chacun d'entre vous, Guimane ou Thomas, vraiment que vous affectionnez un petit peu plus parce qu'il a été plus compliqué à faire, ou parce que, au contraire, il est venu facilement, ou une anecdote rigolote? Je pense pas. Non, on a pris 2 ans et demi pour être sûr de faire ce qu'on voulait, ce qu'on allait aimer, en fait. Et il y a un truc qu'on a fait sur le premier album et qu'on aime bien faire, c'est pas faire des phases B qui sont plus faibles, pas faire des morceaux de remplissage comme souvent quand t'achètes un CD, tu payes 120 balles et t'as 3 bons morceaux. Nous, on a toujours essayé de faire chaque morceau aussi puissant, peut-être pas chacun autant puissant les uns que les autres, mais comme des singles en fait, avoir chaque morceau qui a vraiment une... Vous avez mis autant d'énergie dans chacun, ouais. Voilà. Ouais. Mais il n'y en a pas un où vous dites celui-là, non. Je vous oblige pas à me dire à un moment donné. Non, mais il pourrait y avoir un morceau, dire ouais, celui-là c'est marrant parce qu'on l'a fait dans un concept rigolo, ou celui-ci par rapport à la mélodie, il y a un petit truc en plus, c'est mon petit chéri, c'est mon petit préféré, il n'y a pas de ça dans l'album. Il y a des artistes pour qui, franchement, il y a un ou deux titres qu'ils aiment particulièrement, qu'ils affectionnent. Non, mais c'est vrai qu'il y a des morceaux qui ont été faits en une demi-journée, ou en quelques heures, ou en 2-3 jours, et t'as des morceaux qu'on a passé 6 semaines dessus, quoi, tu vois. Donc, sans dire lesquels, c'est sûr que tu peux commencer à dire, putain, merde, j'ai passé 6 semaines sur simplement le mix d'un morceau et la programmation et tout ça, donc tu vis plus longtemps avec ce morceau. Voilà. Bah, c'est bien. Mais c'est pas pour ça que c'est nos favoris, parce que c'est intéressant aussi de faire justement, tu peux apprécier un truc parce que tu l'as fait en une demi-journée, et l'apprécier aussi parce que cette spontanéité, ce caractère instantané comme ça de la musique, il est attachant aussi. Donc tout, nous, on a 14 copains. Oh, c'est mignon. On se tient par la main et tous les 16, parce qu'on est deux, nous. Oui. Et on fait une ronde. D'accord. Alors avant de. On va revenir sur les années 80 d'Albator et tout ça. Je vous ai préparé un petit blind test. Alors lequel des deux est meilleur? Est-ce qu'il faut qu'on ferme les yeux ou pas? Oh, vous pouvez, oui, vous pouvez. Ce qu'il faut, c'est simplement avoir le micro allumé. Non, mais est-ce qu'on doit? Tu verras rien, c'est préférable concentration peut-être. Okay. C'est peut-être préférable pour la concentration. Je vous mets, on va voir si, bon, les auditeurs, je leur prête souvent ce petit jeu, on va voir s'ils sont capables, eux, de leur donc côté. Donc les auditeurs, eux, ont la réponse déjà, qui s'affiche absolument sur la pas, radio, mais eux, comme dans Question eux, pour un champion. Eux vont jouer de chez eux, et ils vont voir s'ils sont meilleurs que vous. D'accord. On va voir ce qui de Guiman ou de Thomas est le meilleur. Attention. Petit extrait, ça dure pas très longtemps, à vous de me dire. Je vais vous mettre sur la voie quand même. Non, mais l'indice c'est donné au bout du deuxième truc. Ah, il n'y a pas de deuxième indice. Non, mais tu sais, dans Question pour un champion. Ah oui, non, mais l'indice, attention. Il n'est pas donné dès le départ, non? Il est donné dès le départ ou pas? Oui, il y a d'ailleurs public, un indice qui est en train. Il y a un indice qui est en train de se mettre sur tous les radios de France. Donc je peux vous dire, c'est ou des feuilletons des années 80, ou des dessins animés qui ont marqué les années 80. Mmh. Pour vous mettre sur la voie, pour pas que ce soit trop compliqué, je vais vous dire si c'est. Là, en l'occurrence, c'est un dessin animé. Ok. D'accord. Ok. 80 ou 70, mais à mon avis, vous connaissez. Okay. Dans un pays à tous les temps. Ah. Ni Thomas. Non, ça vous dit peut-être. Ah non, mais grave. Attends. Attends. C'est juste pour voir. Dans un pays à tous les temps. Ça ne vous dit rien? Non. Thomas. Mais ça me dit. Non. Maya, ça c'est Maya, la réponse grave, là. Maya. Ah non mais attends, Maya, non mais grave. Ça c'est la réponse. Hein. Zéro pour l'instant. Mais bon, attention, il y en a 14, on va faire très vite. Attention, là c'est encore un dessin animé. Là c'est obligé, vous allez le trouver à la première note. Non, ils vont se battre tous les deux. Guiman ou Thomas, attention. Je peux pas mettre plus long. Ah non! Pour moi c'était easy, je me suis dit bon. Ah merde, j'ai donné la réponse. Oh non! Qu'est-ce que t'allais dire? Capitaine Flamme. Capitaine Flamme. Oh, on est nul. Oh, mais non, il a trouvé. Allez, on va lui donner. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie. Ça te dit maintenant? Ouais. Je t'en fais écouter le petit extrait que je t'avais fait écouter pour essayer de deviner. Ah non, c'était plus court. Hein. Non, c'était ça. Non. Un peu plus court. Bon, alors attention. Un point pour Guiman. Attention, troisième extrait. Là, c'est un feuilleton. Magnum. Magnum. À deux points pour Guiman. Attention, il va falloir que là, Thomas, tu fasses des petits efforts, sinon tu vas te faire distancer. Attention, dessin animé. C'est beau, ça. Hein ouais, c'est bien, ça. Hein. Ça, c'est bon, ça. Attention. Qui est-il? C'est l'original, c'est le premier. Goldorak. Oui, Goldorak. Il n'ose plus, Thomas. J'ai dit Gold. Ouais, j'ai dit Gold. Voilà. Chanté par Noam. Et ça, c'est Saban, c'est ça. Et ça a été ressorti là dernièrement. La maison de disque a ressorti le single en 45 tours. Okay. Ça, c'est. Écoutez un peu là, c'est bien. Et ce qui est merveilleux, c'est les chœurs. C'est beau ça. Voilà, alors ça fait deux points pour Guiman. J'ai un point moi. Et un point même. Pour ouais, Thomas. Okay. Cinquième, attention, là c'est un feuilleton. Si vous le trouvez pas, vous sortez. Dallas putain. Ouais. Thomas. Ton univers. Ah oui, voilà pareil. Ah, c'est bon. Avec la famille. Et Wing. Ouais. 3 points pour moi. Non, c'était juste comme ça. Ils sont partis, ils sont dedans. Je vous raconterai une petite anecdote après concernant des blind tests que j'avais reçu des artistes avec les Depeche Mode, c'était assez rigolo. Attention, sixième extrait, pour l'instant deux partout. K2000. Voilà. Qui a dit K2000? K2000. Guiman, 2. 3 points pour Guiman, 2 points pour Thomas. Ça c'est pareil, c'est énorme. Ça c'est énorme, ça c'est le meilleur. Franchement depuis le début là, musicalement. Oh le Magnum non, est pas mal. Non mais le Magnum est pas mal, mais ce qui est incroyable c'est que si t'entends bien, si tu regardes K2000, quand t'entends la musique, et bah le petit son là, c'est la lumière de la voiture. Ah oui. Et tu t'as l'impression que visuellement c'est ça, le kit. Ah c'est carrément, tu veux dire c'est... C'est bien, tu veux dire collé, c'est... C'est même pas collé, mais enfin moi j'ai l'impression que c'est la voiture qui fait la musique quoi. Quand j'entends le... Ça va loin dans ta tête. Bah oui. Attention, extrait suivant. Septième. C'est un dessin animé. Je ne sais pas, celui-là, si vous allez le trouver, on m'a dit que ça allait peut-être un peu compliqué, donc c'est un peu plus long. Heidi. Oh là là, Guima. Bon, ça fait 4 points pour Guimane, 2 pour Thomas. Attention, allez, on va aller très vite, hein, il en reste quelques-uns. Celui-là, trop facile. Albator. Oh ouais. Ah ouais. Celui-là, si on trouvait pas. Ah oui, là, c'était... C'est les gens qui vous entourent qui n'auront pas été contents. Ouais, ouais. L'AGL. Voilà. Parce qu'il faut savoir que vos clips ont été... Le clip. Le premier a été fait, réalisé par celui qui a créé les personnages Il a été dessiné par Leiji Matsumoto, qui est le créateur d'Albator. Et il a été produit et réalisé dans les studios de Toei Animation, qui sont les studios qu'on produit et réalisé Candy, Goldorak, Albator. Vous étiez là-bas, vous aussi? C'est génial. Allez, on se déconcentre pas, il en reste quelques-uns. Ça fait combien de points là? 4 points pour Guimane et 3 pour Thomas. 4-3. Je suis désolé Thomas, il va falloir se rattraper. Série télé. J'ai pas vu. Attends. Oui, t'allais le dire. Ouais, t'allais le dire. Risque. Oui, l'amour du risque. Ah, ça fait. Elle est fort là, il est fort. Jonathan et Jennifer. Tu te souviens du prénom du chien? Février. Ouais, il est incollable, c'est bon. Ils sont où là? Ils sont cachés les trucs? On les a là? Ah, regardez pas, j'ai des prix, j'ai des cadeaux à vous donner. Hein, pour ceux qui... Attention, 10e extrait. Des ouragans. Ah. C'est pas la bataille des planètes? Oui! Donc ça fait 5 points pour Guimane et 4 points pour Thomas. Ouais. Bataille des planètes. Ouais, putain, ça c'est génial. Ouais. Force G. Et vous entendez les craquements, hein, c'est du pur vigné. Hein. Mmh. Voilà, attention, on va les faire vite. 11e. Oh, Sam Kukai. Non merde. Sam Kukai, bien sûr. C'est le premier disque que j'ai acheté de ma vie, ça. 6 points pour... C'est vrai? Ouais. Alors, vous voyez, en plus, 6 points pour toi, Guimane et Thomas. 4. Merde. Il te reste... Il en reste 2, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Donc là, on va... Ah, je vais le remettre, excusez-moi, je vais refaire ça mieux. Oh, Inspecteur Gadget. Là, il a gagné. Et là, qui va là? Et là, ça va pas. Oh, là, je suis là. Allez, l'avant-dernier, celui-là facile, dessin animé. Un peu d'astuce. Candy. En même temps, allez, un point chacun. Comme dans tous les pays. Bon, allez. Et le dernier des derniers, pour le fun, comme ça, c'est une série extraordinaire. C'est dur. Non. Un indice là quand même. Un indice, je peux t'en mettre. Attends, il faut que je revienne. Tu sais sur le bruitage, on va essayer de le trouver. Allez, je le remets encore une fois. Super Jamie. Oh, non, l'homme qui va les 3 milliards. Oui. Tu sais, c'est avec le fameux générique. Tiens, Canada numéro 1. Roger, contact BDSI. Ok, contact soupape de Potterson. Fermez les gaz. Détachement engagé. Roger, tableau intérieur et extérieur allumé. Amorce du piqué. Oscar, j'écoute. Oscar. Extraction. Danger 3, ramenez point 0. Latéral ne répond plus, je ne peux pas maintenir l'altitude. Correction alpha sans résultat. Sélecteur de secours, je ne peux pas presser. Rupture de circuit, rupture. Là, c'est le scratch. Début du générique. Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant. Messieurs, nous pouvons le reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Vous venez? Nous sommes capables de donner naissance au premier homme. Justement, c'est ça que je voulais donner. Il est mortel. Steve Austin deviendra cet homme. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur. Voilà, est bien celui-là dans son intégralité. Si je cherche le petit bruitage, on l'avait à un moment donné. On l'avait Austin, Steve Austin, je ne sais plus où il est, on va te le retrouver. Alors voilà, j'ai des cadeaux quand même pour Thomas et Guimane, bien que ça soit Guimane qui gagnait. Mais comme dirait notre ami Jacques Martin, tout le monde a gagné. Les enfants sont merveilleux. Et je vous remets à tous les deux. Et ça vient de sortir dans le commerce. Je l'ai trouvé, je lui ai dit tiens, ça va peut-être vous faire plaisir. Bon, c'est le nom d'une autre radio. C'est des prix exceptionnels. Ça vient de sortir, ça s'appelle Télétube. Années 80, un chacun. Hop là, regardez ce qu'il y a dessus. Il y a tout ce que vous venez d'entendre. Il y en a quatre, il y en a pour tout le monde, il y en a pour la famille, pour les enfants, pour les grands-parents. Ah, c'est ça qui vous dit, c'est fantastique ce son. Hein, c'est bon, hein. Voilà, il y a tout à l'intérieur. Et on peut écouter Ulysse 31. Ah bah, avec plaisir, on va se le mettre juste c'est après, bien sûr. 10. On va se l'enlever du cellophane et puis on va se l'écouter. Les Daft Punk reviennent dans un instant, toujours en direct sur Fun Radio. Petit blind test qui a été fait. Après, on va parler bien sûr d'Albator. Encore une question ou deux, puis après à un moment donné, il va falloir qu'il rentre à la maison. Mais j'ai encore deux, trois conneries à vous faire faire. Hein. Je suis désolé. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, vous êtes là, on en profite et tout se passe bien. Ne bougez surtout pas, les Daft Punk reviennent juste après ceci. Et 21h. Radio Libre. Voilà, toujours avec les Daft Punk et toujours en direct. Ils ont demandé, c'est normal, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur émission ce soir, depuis 21h, les Daft Punk en direct. Et voilà, ils ont envie d'écouter Ulysse 31. Hein, donc on a envie de réécouter Ulysse 31 parce que moi, je devais aller me coucher après la fin. C'était tous les soirs, ça fait 5 minutes. Ouais. Et c'était à 8h-5. Oui. Et je pouvais regarder Ulysse 31, après je devais aller me coucher. Ben moi, je te donne, Max, la permission de 22h30. Tu vas donc pouvoir l'écouter en entier. C'était pour faire plaisir à toi. Mais c'est normal, c'est votre soirée et quand même, il faut faire plaisir. Donc, le générique qui durait moins longtemps aussi. Oh bah oui. Oui, bien sûr, voilà. Toujours en direct avec les Thomas et Guimane. C'est Guimane, hein, il n'y a pas de petit surnom, il n'y a rien. Guigui. Non, avec le micro. Hein, Guimanuel, Guimane. Emmanuel, Guimane. Bon, alors, petite question d'auditeur internet, écoutez. Salut Daft Punk, c'est Jacques, 24 ans de Marseille. Je suis étudiant en architecture. Je voudrais juste savoir, dans un premier temps, ce que vous pensez de la fermeture du site Napster. Et ensuite, ce que vous pensez sur le fait que 3 mois avant la sortie de l'album, vous pouvez déjà trouver des morceaux de Discovery, à savoir si c'était vrai ou faux. Alors, Alors déjà, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Napster, on pouvait récupérer déjà des... J'en avais pas entendu parler des... À partir de... Je crois qu'il y a eu les premiers extraits qu'on a pu trouver sur Internet. Nous, on a bien cherché un peu. C'est vers fin décembre, je crois. Comment ils font? Mais incroyable, ça me fait toujours... Ça me fait... Mais bon, c'était marrant. Nous, oui. C'est... Maintenant... Voilà, Napster, nous on... Alors on peut expliquer ce que c'est que Napster, parce qu'il y a plein d'auditeurs qui savent pas c'est quoi. C'est une bande de données où on peut récupérer, c'est quoi c'est... Napster, c'est un logiciel en fait, donc c'est un programme sur internet qui utilise la ligne téléphonique pour échanger des fichiers de musique entre les gens. Donc en gros, quelqu'un qui... Moi j'y connais rien, mais ça veut dire que j'irai là-dedans et je peux trouver tout ce que je veux. T'as ton ordinateur, et moi, si je suis branché, j'ai mon ordinateur et j'ai de la musique, Hotel California, des Eagles, sur mon ordinateur, et tu peux aller le télécharger à partir de mon ordinateur. Tu te fais ça sur un CD, tu te fais tes propres compiles, tu fais ce que tu veux le nouvel album, ne serait-ce que même des trucs classiques, tu veux le dernier morceau de Madonna, le nouveau Phoenix, tu veux le premier album de Jackson, tout ça, tout est disponible. C'est des banques de données, en fin de compte, c'est comme un énorme ordinateur, et puis tu clips, tu mets Daft Punk, et puis... Ça vous emmerdait ça ou pas ou non? C'est plutôt sympa. Non, ça nous a... disons que les maisons de disques ont un discours, ça leur fait très peur, c'est sûr. Ouais. Mais je pense que c'est une menace pour la vente des disques. Et toi, tu penses que non? Je ne pense pas vraiment que ce soit une menace pour la vente des disques maintenant. Le problème que ça pose, c'est que les disques, ils sont quand même en vente dans les magasins, et que quand tu as un disque, tu peux avoir l'ensemble du disque gratuitement sur Napster. Et que tu as le disque en magasin, c'est un peu bizarre. Donc, ce qu'on pense, bon, déjà. Il y a aussi les graveurs de CD, sans aller sur Internet. Celui qui t'achètes un CD, t'achètes un graveur. Napster, c'est pour notre expérience personnelle, c'est quelque chose de très positif, parce que on s'est un peu creusé la tête, justement, en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre disque, il soit peut-être, il y a un truc en plus dessus. Et d'où l'idée du Daft Club, qui était un peu une réponse, de façon constructive à Napster. Maintenant, le problème, peut-être la menace que représente Napster, c'est plus à long terme, et pas une menace réellement économique, mais une menace de faire prendre ou de rentrer dans la conscience des gens, que les gens s'imaginent que la musique, c'est gratuit, quoi. La musique sur le net, c'est gratuit, c'est trop cher, et maintenant c'est zéro franc, maintenant on peut avoir toute la musique qu'on veut gratuitement. Faire de la musique, c'est vrai que c'est trop cher pour l'instant, les CD, ça reste trop cher. Mais faire de la musique, c'est un travail aussi comme un autre dont le prix pourrait vraiment baisser, mais ce serait pas normal que ça rentre dans la conscience collective du fait que, enfin, à partir de maintenant, la musique, c'est zéro franc. Et ce serait, à mon avis, c'est plus un glissement progressif qui pourrait rentrer peu à peu, où on se dirait, ok, l'art, c'est gratuit. Et c'est pas comme ça que ça marche maintenant. C'est pas vraiment un problème économique, c'est plus un problème par rapport à l'art, je pense, par rapport à la musique, et par rapport au fait de garder un peu une valeur et un prix, même si nous on essaye de faire baisser cette valeur, de faire baisser le prix de l'art en donnant quelque chose de supplémentaire. En parlant, pour revenir sur l'actualité de l'album, qui sort lundi, on ne l'aura jamais dit assez, 2 ans et demi de travail, comme disait Guimane tout à l'heure, toi aussi d'ailleurs Thomas, est-ce que vous considérez que le plus dur a été fait ou que le plus dur reste à faire? Non, bon, évidemment, vous attendez, vous allez voir si ça a fonctionné. Est-ce que pour vous, le plus dur, ça a été quand même 2 ans et demi de travail pour réunir toute cette masse enregistrer, etc., et avoir un travail qui vous a plu? Est-ce que vous considérez que maintenant, le plus dur va rester à faire, c'est-à-dire la promo, les soirées, les concerts, tout ce qu'il va y avoir à défendre? Non, nous, on a voulu faire les choses de façon un peu différente, et c'est vrai que l'axe principal, maintenant, de travail, pour nous, c'est... le Daft Club et tout ce qui va se passer sur Internet. Et ça va demander beaucoup de travail, ça va demander beaucoup de travail. C'est vrai que les gens vont demander. Voilà, c'est aussi une volonté de ne pas considérer Internet comme un outil de promotion, où tu mets deux photos, une bio sur un site Internet parce que c'est dans le coup. Ouais, c'est vrai. Mais de vraiment l'utiliser comme un outil de création et de créer des choses et d'évoluer. Et c'est vrai que... C'est pour ça que pour l'instant on ne fait pas de tournée. Il n'y a rien de prévu pour le moment. Il n'y a rien de prévu pour le moment, parce qu'on a envie de se consacrer vraiment à cette création en ligne sur Internet. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas du tout dire que le plus dur a été fait ou que le plus dur reste à faire. On est un peu au milieu de cette création. Ouais, parce que vous allez devoir tourner en studio pour les remixes ou les choses comme ça, voilà. Ou améliorer les morceaux, donc c'est encore une sorte de... C'est comme s'il y avait à la fin une sorte du deuxième album, ouais. C'est amusant parce que d'habitude, c'est vrai que t'avais le support physique du CD, c'est 74 minutes de musique maximum, et tu peux faire un double, mais en tout cas, tu terminais tout, et puis c'était arrêté. Le disque partait dans la chaîne de fabrication. Il y a des longs mois de préparation, le truc de distribution. Et puis les gens recevaient un disque ou achetaient un disque et où il n'y avait plus réellement d'interaction possible avec ce contenu. D'accord. Dernière petite question, parce que j'ai vu ça aussi sur la carte. J'ai vu qu'il y avait une date d'expiration. Pourquoi ouais. ça 12 mois, elle est valable jusqu'en décembre 2002. Elles sont toutes valables jusqu'en décembre 2002. C'est le DAF Club, c'est une expérience. Maintenant, c'est un peu comme un service après-vente, finalement, où on donne des choses. Bon, c'est facultatif, on va s'amuser avec, mais on va pas faire ça tout le temps. Oui, ouais, c'est déjà pas mal, parce que si vous y mettez à partir de lundi jusqu'en décembre 2002, ça fait du boulot, Guimane. Ça va faire des sacrées journées. Ça fait plus d'un an et demi. Ouais, ouais, c'est bien. Vous connaissez bien votre musique? Qu'est-ce que c'est que ce truc à la con? Il y a personne qui sèche derrière, je vois, il y a les potes derrière, ils vont leur souffler là, vous connaissez bien votre musique. Je sais pas la question. Mais si, non, c'est parce qu'en fin de compte, on va voir si vous êtes capable de bien reconnaître votre musique. Donc j'ai préparé un petit blind test sur votre premier album, sur votre deuxième album. Ok. Comme tout à l'heure, on va voir. Allez, c'est simple. Attention, premier extrait. Je me trompe de morceau. Non mais vous allez rire. Avant même que vous commenciez, petite anecdote, j'ai fait pareil quand les Dépêche Mode sont venus. Et ben vous allez rigoler. Sur les deux albums, il y a des morceaux qu'ils n'arrivaient pas à trouver eux-mêmes. Tu sais lesquels? Master and Seven et People People. Ils ne savaient plus que c'était eux qui les avaient fait. Je vous en dire. Ça arrive à d'autres. Attention, vous dites, hein. Attention, on recommence. Phoenix. Oui. Bien joué. Écoute quand même. Je pense que je me suis retrouvé devant les Dépêche Mode qui se souvenaient plus de People Are People et de Master and Seven quand même, il faut le faire. Donc là c'est bien. Non mais on n'écoute pas tout le temps nos albums. Non mais c'est pour ça, c'est bien sûr. J'avais... Non plus sans doute. Hein, non mais... non plus, c'est vrai. Enfin Master and Seven et People Are People. Voyager. Oui, ça c'est dans le nouvel album. Ah mais il y a le nouvel album aussi. Ah il y a les deux. J'ai mélangé les deux. Bah oui, quand même. On connaît pas encore bien le nouvel album. Hein, Bah tiens, je te l'offre, il sort lundi. Ah merci, c'est gentil. Merci. Wow. Tu verras, il y a une carte c'est dedans. Bien, je vais faire des remixes. C'est cool, merci. Jusqu'au. C'est le Max Club, ça? Ouais, c'est le Max Club. Mais je compte décembre 2002, hein, parce que ouais, j'ai plein de trucs à faire. C'est bien, tu verras, je t'expliquerai. Allez. Around the world. Ouais. Bon, pour l'instant, ça fait très bizarre, hein, je te dis. On est dans une situation quand même, faut expliquer. Oui, bien sûr. Aux auditeurs. Aux auditeurs, là, on est assis en face de toi et on est comme des. Around the world. Mais on avait mis des buzzers aux mecs de Dépêche Mode, ils tapaient dessus, ils étaient comme des fous. Attention. Around the world. Attention. Night Vision. Ah, alors celui-là, je l'adore. C'est le demi-morceau dont tu parlais tout à l'heure. Alors, là, honnêtement, quand j'ai écouté l'album. Je savais pas les durées des disques. Je commençais vraiment à fermer les yeux, à planer. Qu'au bout d'une trente, ça descend. J'ai dit, mais pourquoi ils ont pas fait une version? Vous avez pas fait une version, mais ça devrait durer 10 minutes. Non, parce qu'il y a de la flub. Parce qu'il y a de la flub, justement. Ouais. Petite info, ça. Ah non, mais sans déconner, c'est merveilleux, ça. Attention. Pour l'instant, vous avez un sans faute. Mais je suis sûr que vous allez faire un sans faute. Là, c'est stressant qu'il y ait le blanc. Hein. Si, vas-y. Moi qui commande. Short circuit. Ah là, Thomas a pris une petite avance. Attention, extrait suivant. Ça, c'est dans le nouvel album. Non, c'est le deuxième club, ouais, c'est le premier. Non, si c'est le morceau d'avant. Ça, c'est dans le premier album. Il me fusille du regard, genre comme s'il voulait presque lire les réponses. Je ne dirais rien. Rolling Stretching. Rien à dire. Ils connaissent leur musique. Ça, c'est un hymne. Hein. Ah ouais. Aérodynamique. Ah, Thomas a récupéré le point qui lui manquait sur Guy. Bah, l'égalité parfaite. Le morceau que vous entendez en ce moment. Deuxième extrait du nouvel album qui sort lundi. Fraîche. Fraîche putain. Non, c'est fraîche. Fraîche putain, ça sera peut-être un remix dans votre, sur internet. C'est, fraîche, mais c'est des quarts de seconde là. C'est merde, c'est ta musique. Je sais. Ah, c'est ça les blind tests chez Max. Hein. Pas beaucoup de cadeaux. Hein. Non, mais pour l'instant, sans faute, il n'y a rien à dire. Mais fraîche putain, on l'accepte quand même. Hein. Attention. C'est l'avant-avant-dernier là. High Fidelity. C'est dans le premier album et je peux vous le dire, allez, d'avance, je vais être sympa. Les deux derniers morceaux que j'ai sélectionnés dans le blind test, c'est dans le nouvel album, il y a celui-ci. Face to face. Voilà, Thomas, là, oui. Ah, il se rattrape, Guimane, t'as été très bon dans les années 80. Il connaît bien les années 80. Je suis vieux. Le dernier. Super Heroes. Ouais. Allez, tout le monde a gagné. Bien joué. Donc voilà, ça c'est encore un extrait du nouvel album. C'est pas facile ça aussi, hein, pour sa musique, non? Pas simple. Bah, c'est un bon test. Hein, y a un petit truc également que je voulais savoir. Tiens, on va faire un portrait chinois Daft Punk. Vous allez me dire, attention, réfléchissez bien, c'est simple. Si vous étiez une couleur, Thomas, si c'était une couleur, il y a une couleur, c'était une couleur préférée. Ça, on en sort un peu plus sur vous. On vous voit jamais. Une couleur, il n'y a pas une couleur, il n'y en a pas. Guy, non, je veux les couleurs. Non, vous ne seriez pas une couleur. Si vous étiez un comique. Un comique? Non. Il n'y en a pas un qui vous fait rire? Même Fernandel. Rose? Hein? Rose? Rose, ouais, d'accord. Donc il répond avec la question d'après. C'est bien, ça tombe bien. Rose, pour la couleur. Guimane, t'as pas de couleur préférée? Comique, vous en avez pas? Vous n'avez pas un comique? Il y en a plein, il y en a plein. Si vous étiez à la place de celui qui devait être un comique, ça serait Louis de Funès. Non, Charlot, il est Charlot. Charlot, si vous étiez une destination de voyage, la destination, ça serait quoi? Pour savoir un petit peu Guimane ou Thomas, non? L'espace, ouais, allez, on va dire. Si vous étiez une chaussure, assez chaud, hein. Une chaussure, tu te verrais comment? Si tu devais te imaginer, Thomas, que tu deviendrais une paire de chaussures, tu sais quoi? Une chaussure de ski, parce que avec des lacets, sport d'hiver. Au sport, ben voilà, parce que t'es passionné de sport d'hiver. Non. Pas spécialement, t'aimerais bien être là-bas, pour la montagne, l'air frais. C'est les chaussures, elles respirent comme ça, elles se baladent. Une moon boot, quoi. Une moon boot. Un sampleur, si vous étiez une époque. Maintenant, ouais, aujourd'hui, ça vous correspond tout à fait. Parfait, si vous étiez un animal. Y'a rien. Un chien, un chat, j'en sais rien. Un serpent. Un singe. Y'a pas d'animal qui vous un fait. Un oiseau. Un oiseau. Si vous étiez une soirée en club. Une soirée en club, vous verriez comment? Vous la facette, musique à fond. Faut s'imaginer qu'à la place que tu sois un être humain, Thomas, tu serais une soirée en club. Comment tu t'imaginerais en tant que soirée de club? Est-ce que ce serait plutôt 1000 personnes avec un gros dance floor, une grosse cabine de DJ avec des gros retours, des boules à facettes? Une soirée sur la plage? Ouais, une soirée sur la plage. Bon esprit, quoi. Ouais, tranquille, pépère. Il fait beau, le coucher de soleil, de la musique parfaite où tu sens un peu les basses qui traversent le sable. Ah, voilà. Et où t'as pas trop mal aux oreilles, où t'as du punch. Comme voilà. T'es pas obligé de danser comme un fou, tu peux te mettre sur le côté, t'es relax. Plus tard, le soleil se couche, ensuite ça commence à bouger un peu plus. Allez, encore deux, si vous étiez un bonbon. À moins que vous soyez pas bonbon, quoi, impossible. Moi si je serais malabar ou carambar obligatoire. Si vous étiez un bonbon. Moi j'aime bien les trucs acides, la verre. Ah oui, c'est très très long, mais très fin, mais pas des fils. Pas les fils. Non, c'est le truc long avec les plein de sucre dessus. Les bandes de sucre. Très acide. Il y en a au coca, il y a des vertes, il y en a des roses aussi. Qui t'arrachent la gueule, quoi. Ouais, c'est bien piquant, quoi. Et si vous étiez un morceau des années 80? Ah, c'est des questions. Moi je sais, moi mon morceau des années 80, c'est Cage à Gougou. Tout shy, mais vous. Il y a un morceau fétiche des années 80 qui vous a marqué? Non, je sais qu'il y en a plein. Il y en a plein, mais s'il faut en choisir qu'un, si vous étiez un morceau des années 80, il n'y en a pas un qui ressort du lot, il n'y a pas votre morceau fétiche, un truc. C'est dur. Ouais, c'est dur. Ah, ouais. Ouais, c'est trop. Vous n'arrivez pas? Ah, mais non, on n'arrive pas là. Et la question bonus, si vous étiez dans le corps de l'autre, tu serais bien, Guimane, dans le corps de Thomas? Comment ça, dedans, moi? Bah, c'est-à-dire que si lui devenait toi, est-ce qu'il serait content, connaissant tes défauts en privé ou tes qualités en privé, est-ce que tu aimerais de temps en temps te retrouver dans le corps de l'autre? Non. Non, Thomas, donc Guimane, non, absolument pas. Non, mais je veux bien pour essayer. Pour essayer, mais tu sais, connaissant, donc, comme vous connaissez vos qualités et vos défauts en privé sans demander lesquels, tu dois te dire, oh non, je suis très bien comme mais je suis. Physique, surtout pas. Qualité physique. Ça peut être physique, mental, le tempérament, le caractère, tout ce qui va avec, son état d'esprit, te dire. Alors, on devient carrément l'autre, en fait, quoi. Donc je pense qu'on peut même pas répondre. Bah, en fait, je suis Guimane. En allez, fait, t'es Guimane. Voilà. Ouais, je suis Guimane, on a fait pour ce soir déjà, mais tout à l'heure, je redéviendrai Thomas. Et toi, tu te vois, si t'étais Thomas, ça te conviendrait, Guimane? Une soirée de tester? Vous n'avez jamais envie de vous retrouver dans la peau de l'un de l'autre, de changer? Mais il y a eu un film là-dessus qui est bien. Ouais, d'un copain Spike Jones et de la peau de John Malkovich. Ouais, je sais que vous aimez ce film-là. Ah ouais, on adore. Dans la peau de John Malkovich. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous partez, vous restez? Vous êtes pressé? Vous devez partir? Non, moi je suis... Vous voulez faire une petite session de mix? Vous voulez passer ces trois morceaux? Allez, voilà, on a assez parlé comme ça. On va mettre un petit peu de musique. Les Daft Punk sont venus avec beaucoup de vinyle. Donc on fait une petite pause, le temps de s'organiser. Et on va mixer deux, trois sons. Hein. Allez, ne bougez pas, on revient juste après ça. Radio. Voilà, jusqu'à la dernière goutte, et vous êtes en direct sur Fun Radio, et c'est la radio libre. Les Daft Punk sont toujours avec nous. Ils partent plus, hein. Ils m'ont demandé si on pouvait fermer la boutique à 3h, donc je leur laisserai les clés. Après, vous ferez ce que vous voudrez. Alors, ça, c'est une petite exclu qu'on a entendu. Je sais pas si on peut dévoiler, dire. Non, on dit rien. Si, on peut dire. C'est Thomas. DJ Mehdi, ouais. C'est DJ Mehdi qui fait les sons du 113, et là, il prépare son album solo, et c'est le premier, en exclusivité, le premier titre qu'on peut vous faire écouter ce soir. Comme tu es gentil. Ah oui. Voilà, là, on va pas vous dire ce que c'est, mais c'est aussi une exclusivité. On est gâtés alors ce soir. C'est vrai que le disque est blanc, donc ils prennent les platines, les Daft Punk sur Fun Radio. Bah, c'est quand tu veux, balance du son. 3, 4, 12. Ça arrive là ? Ça monte ? C'est voilà. Attends, il y a un problème. Qui c'est qui a touché encore ? Ça marche déjà. Attends, mais ça marchait tout à l'heure. Vas-y, on balance du son pour voir. Okay. On a touché. Mais tu sais, des fois, les gens, ils touchent au matériel et après, ça marche plus. Ça marchait il y a quelques... Ah non, c'est peut-être celui-là. C'est peut-être moi qui me suis planté. Vas-y, revois. Vas-y. Ça sort ? Oh ça non. Sort. Ça sort, mais ça sort pas là. Ah bah oui. C'est de ma faute. Ouais. Ah oui, mais parce que tout à l'heure on a voulu écouter. Voilà, non, bon, je vous explique. Ah, ça me rassure, je me suis dit merde, encore le matos de Funky merde. Non, c'est normal. C'est qu'il y a deux câbles que j'ai enlevés parce que tout à l'heure on a écouté des trucs hors antenne, des trucs des années 80 et des dessins animés, etc. Ce fait qu'on a dû utiliser une bécane, on a décablé, on a oublié de recâbler. Heureusement, je me suis dit ça y est, j'ai encore touché un bouton qu'il fallait pas. Ça y est, ça va fonctionner. Alors là, maintenant, ça va pouvoir le faire. Alors recommençons. Ah bah voilà qui marche. Allez, c'est parti les Daft Punk en fait. decision. Are we in this thing alone? Or are we in it together? A time has come to make a decision. Are we in this thing alone? Or are we in it? A time has come to make a decision. Are we in this thing alone, or are we in it together? Together. des mixeurs direct. Attention, rien, pas de jingle. Hein. J'espère que vous avez fait les cassettes. Voilà, c'était Thomas qui était derrière, un petit peu de Guimane, il y avait un petit peu de tout le monde. C'était toi tout seul. C'est toi, il n'y a que toi qui a bossé là sur ce coup-là. Non, on était 8. Vous étiez il y en a, on était 8. Il y en a un qui touchait les basses, l'autre les aigus, les médiums. Il y avait le pitch de la platine A, le pitch de la platine B. On était plein, quoi. On s'est amusé. Ça coûte cher, alors, finalement, de faire déplacer les Daft Punk en club. C'est du bénévole. Ah, c'est du bénévole. Ouais, c'est du bénévole. D'accord. Aujourd'hui, on fait que du mix en bénévolat. Alors, par exemple, moi, je suis organisateur de soirée. Je veux faire venir les Daft Punk pour mixer dans ma soirée. Donc, si j'ai une petite cabine, vous pouvez pas rentrer à 8 dedans. Il faut des grands espaces, voilà. Des grandes cabines. Si c'est une petite cabine et que vous avez vraiment envie de venir, vous dites, tiens, faut qu'on aille dans le club de Max, c'est clair. S'il nous demande de venir mixer, on est venu. Vous êtes venu. C'est trop petit, la cabine. Vous êtes 8. Comment vous organisez? Mais non, mais c'était génial. Mais là, on a construit pour vous, les gars. Mais c'était génial. Tout ça n'est qu'illusion, tout va disparaître après. Eh oui, non, mais ça le paraît. Tu vois, non, mais vous voyez les moyens qu'on vous a mis pour tous les deux, quand même. C'est incroyable. Non, mais vous vous rendez pas compte un petit peu. Ça coûte des millions. Bon, on a passé plein de sons. On espère pouvoir récupérer les références. On en récupère une ou deux. Ça va être chaud, hein. Je sais même plus ce que t'as. Tu sais même plus. Non. On sait plus. On rentre les disques. Guimane a écouté d'une manière très attentive le mix. Ouais. Au téléphone dans le couloir. Ouais. Mais t'étais dedans. Hein. Ah, danser, il était là. Bon alors avant qu'on se quitte, parce qu'après il va falloir aller faire la fête, j'ai une dernière petite connerie à vous faire faire. Chacun votre. Vous avez chacun le vôtre. Okay. Vous avez chacun votre feuille. Bon, ça s'appelle un stupido. Okay. Je vous explique, c'est très simple. Je vous pose une question. Ouais. Vous n'y répondez pas. Et vous commencerez à répondre, vous allez commencer à répondre à la première question que je vais vous poser une fois que j'aurai posé la deuxième question. Donc, vous voyez, avec j'imagine. Moi, j'ai amusé à faire ça avec un petit magnétophone quand j'étais décalage. Je t'explique. Je vais te poser deux questions d'affilée. Il va falloir bien sûr mémoriser les deux questions. Au moment donné où je te pose la première question, tu n'y réponds pas. T'attends que je te donne l'énoncé de la deuxième question pour commencer à répondre à la première. Je te pose, par exemple, je te demande, t'es intelligent, tu me réponds pas. Maintenant, je te dis, t'es con, et tu réponds à la première question. Non. T'es pas intelligent? C'est ça, voilà, c'est exactement ça. Alors bien sûr, on est resté branché comme on l'avait fait au départ, c'est les morceaux des années 80 et des séries ou dessins animés. Ah donc c'est à la fois culturel et drôle. C'est à la fois culturel et drôle. Et vous allez voir que par rapport aux questions que je vous pose et les réponses que ça donne, si tout fonctionne bien, ça va donner quelque chose d'assez bordélique. Alors normalement, il faut aller très très vite. Hein. On fait ça des fois à la radio, il faut être avec vous, comme c'est une première, on va faire ça alors, plus longtemps. Moi j'en ai un et après Guimanel en a un. Ouais. Tu veux commencer? Alors, je vais. Tu veux le 1 ou le 2, Thomas? Main gauche ou main droite? Main gauche. Main gauche, ok, c'est celui-ci. Un pile poil plus simple. Désolé, mais en même temps, Guillaume, tu passes en deuxième, donc t'auras eu le temps de voir ton pote Thomas l'entendre faire. Attention, tu es prêt, concentré? On va y aller? Et allez, le chrono là. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de chrono hein, si tu veux y aller. T'es prêt? Ok. Attention. Donc tu réponds pas à la première question, tu réponds à la première question, une fois que je t'ai posé la deuxième. Quel grand artiste interprète Thriller? Qui pilote Goldorak? Michael Jackson. Qui est le frère de Bobby Ewing? Actarus. Complétez le titre de cette série, Arnold et J.R. Qui dit tout le temps, c'est trop injuste? Willy. Qui combat les humanoïdes à bord de Atlantis? Je sais pas. Ah, c'est Calimero, c'est trop injuste. Ah non, en plus, on m'a appelé Calimero tout à ma jeunesse, quoi. Donc, je devrais savoir. Alors, quoi. Calimero, donc, je te souviens de la question d'avant, c'est qui combat les humanoïdes à bord de Atlantis? Quel détective d'Hawaï roule en Ferrari? Albator. Ouais. Qui chante Besoin de rien, envie de toi avec Sloan? Magnum. Comment s'appelle le robot de Sam Cookay? Peter. Qui anime le Star System sur Fun Radio? Alors le robot Sam Cookay, je connais pas. Sidero. Non, c'est de la chanson. Sidero. Ah ouais. Pas mal. Max. Non, justement, on sait pas, c'est Sidero. La dernière question, c'était quoi? Qui anime le Star System sur Fun Radio? Tu réponds à la question d'avant, qui était le robot de Sam Cookay? C'est Sidero. Sidero. Voilà, okay. Donc je suis Sidero. C'est avec moi. Vous m'avez appelé Max, mais depuis le début, je m'appelle Sidero. C'est bon, Guimane? Ouais, je vais essayer, ça va être dur. Ça va être chaud, attention. Qui chante Marcia Baila? Quel est le nom du rocker dans Happy Days? Rita Mitsuko. Complétez le titre de cette série. Starsky et Fondi. Qui chante Let's Dance? Hutch. Dans un dessin animé très connu, Rémi est sans David Bowie. Comment s'appelle Patrick Duffy dans la série télé L'Homme de Famille? Ouais. De quelle ville des États-Unis viennent les deux flics? de l'Atlantide. Comment s'appelle le groupe qui interprète Music and Lights? Miami. Qui chante Voyage Voyage? Imagination. Et voilà. Et quel est le nom de votre dernier album? Desireless. Voilà. Pas mal, hein? Bravo. Pas mal, voilà, pas mal. Donc votre nouvel album s'appelle Desireless. Et moi, je m'appelle. Tu le fais à trois niveaux des fois, donc de pas répondre aux deux premières et de répondre ensuite. Ah, c'est l'enfer. Non, mais on imagine, parce que là, on a fait calmement, mais parce que s'il faut aller très très vite, avec okay, des thèmes et tout, avec trois, tu dirais, c'est-à-dire quoi? Je me poserais trois. Deux. Ouais. Ensuite, la troisième, on répond à la première, etc. Et on a un décalage. C'est l'enfer. Mais vous voyez que c'est compliqué à faire cette merde. Ça se bouffe vite à la radio, ça va très très vite. Non, c'est vrai, hein, des fois on peut rester 10 minutes. Parce qu'il faut trouver les idées et tout ça, c'est un travail. C'est comme faire un album. Hein. Ouais, c'est aussi compliqué par exemple. C'est plus difficile que faire un album, parce que faire un album, ça prend du temps, mais c'est pas compliqué. Parce que là, pour essayer un peu, tu vois, de trouver les trucs, rester cohérent et tout, parce que des fois il y a des bonnes suites, mais au bout de 5, tu n'y arrives plus. Voilà, c'est pour dire que moi aussi j'ai un travail qui est pas simple avec mon équipe. Bah, merci beaucoup. Hein. Mais en tout cas, ça m'a en fait plus, ça nous a rendu un peu intelligent, quoi. Ça a fait croire qu'on est intelligent. Si peu. En plus, vous repartez avec des CD. Mais moi, on dit toute la. Ça fait 8 ans qu'on me dit que je suis.